Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast AMJ de trop. Aujourd'hui, c'est une partie un peu particulière. Nous organisons une séance de jeu dans l'univers de Millevaux avec Thomas Munier et deux autres personnes aussi. Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Kazéo, vas-y. D'accord. Moi, c'est Xokidam. Je suis autrice de quelques petits jeux. Je connais un peu Dream As Q parce que je l'ai lu et je l'ai encore jamais joué ni fait jouer. Donc, je suis ravi de le tester. Et l'univers de Millevaux, pareil. J'ai fait du coup une fois un jeu avec Tomate dedans et j'ai lu, mais c'est tout. Voilà. Merci. Alors moi c'est Tapis Virginia, donc le tapis le raccourci. J'existe, c'est déjà pas mal. Après je connais pas très bien l'univers de Millevaux, j'avoue. Je fais pas forcément mes devoirs. Et j'ai lu vite fait Dream As Q, mais on m'a dit que c'était assez proche d'un PBTA, donc je pense que ça devrait le faire. En fait c'est comme un PBTA mais en super plus simple. J'aime bien les jeux. La mécanique, elle tient en deux lignes. Donc je vais commencer pour faire un très rapide topo sur l'univers de Millevaux. Donc en fait, ça se passe dans notre monde qui est en train de tomber en ruine. Alors généralement, ça fait longtemps qu'il est en ruine, c'est du post-apo. Mais là, en fait, comme on hybride avec la proposition de Dream As Q, l'apocalypse forestière, elle est en train d'arriver, quoi. Donc le monde est en train de s'effondrer. Et donc, tu as certaines parties du monde qui tiennent encore bien la route. Et puis, il y a des parties où c'est complètement le dawa, quoi. Notre enclave va être dans une partie où c'est le dawa. Hein. La forêt a tout envahi. Donc là, à nouveau, c'est plutôt la forêt est en train de tout envahir. Donc, il faut imaginer qu'il y a des zones, des villes, des endroits, des déserts qui sont encore épargnés par la forêt. Et il y a quatre problèmes, donc c'est pareil, ce sont des problèmes qui sont en train de se déverser sur le monde et tout le monde n'est pas touché au même degré. On a toujours cette idée de contraste entre des zones safe et puis des zones qui sont totalement soumises à l'apocalypse, quoi. Le premier problème, c'est l'oubli. Les gens perdent la mémoire. Le deuxième problème, c'est l'emprise, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'agent mutagène, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est invisible de toute façon, et ça transforme les êtres et les choses, donc ça cause des mutations plus ou moins cheloues, quoi, chez les humains, les animaux, les végétaux, et puis même même le minéral peut être touché, quoi. Il y a également l'égrégore, vous verrez dans les playbooks de Dream As Q, on parle de maelstrom psychique. Donc considérez que l'égrégore, c'est un synonyme de maelstrom psychique. C'est une espèce donc de force psychique qui est nourrie par les peurs, les émotions et les croyances des humains. Et donc, cet amas psychique va provoquer tout un tas de phénomènes surnaturels. Donc, par exemple, si les gens pensent qu'il y a un crocodile dans les égouts, ben, il va finir par y avoir un crocodile dans les égouts, quoi. Ou si à tel endroit, il y a un massacre qui a été commis, ben, l'endroit va être hanté, les murs vont baver du sang, des choses comme ça, quoi. Et pour finir, il y a les Orlas, qui sont en fait des créatures fruits de l'emprise et de l'égrégore. Donc mon fameux crocodile dans les égouts, comme il a été créé par l'égrégore, tu vois, on pourrait appeler ça un Orla, quoi. Donc c'est des monstres de absolument toutes sortes, quoi. Ça va à peu près pour l'univers? Non. Yep. Parfait. Alors, sachant que ça peut être bien de localiser ça quelque part dans le monde, pour avoir un peu des référents équivalents. J'avoue que quand à la lecture de Dream As Q, alors on va en décider ensemble, mais à la lecture de Dream As Q, je pense que le meilleur cadre, ce serait tout simplement les États-Unis. Parce que en fait, le mélange de Dream As Q et puis de la proposition Millevaux, ça fait beaucoup penser à notamment à la ville de Détroit. Ouais, c'était ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que ça vous intéresse? C'est un contexte américain ou est-ce que vous préférez un autre pays? Je crois Moi, un que comme c'est un jeu très queer, etc. Moi, de base, j'aurais bien aimé l'Europe de l'Est, tu vois, un peu Russie, Prague, tout ça. Mais après, moi, les États-Unis, ça me va. Je connais pas forcément très bien les problématiques de Détroit, mais je peux improviser sur le tas. C'est la même chose pour moi. Bah, pour faire simple, Détroit, c'est une grande ville des États-Unis en fait, qui a subi de plein fouet la crise de l'industrie automobile. Et donc en fait, la ville, c'est dans les années 2000, la ville a littéralement été désertée par ses habitants, quoi. Ce qui fait que tu as des quartiers entiers de Détroit qui sont vraiment littéralement laissés à l'abandon. La végétation a repris dedans, il y a des pitbulls sauvages qui rôdent. Et puis, tu as des gens qui sont restés ou qui sont revenus et qui essayent de, tu vois, d'organiser des petites communautés où, en fait, ils remettent les terrains, tu vois, genre, ils remettent en culture des terrains de basket abandonnés ou enfin, qui essaient de cultiver comme ils peuvent et tout. Et de remettre en place une société. Après Détroit, il y a vraiment deux époques. Il y a, je dirais qu'il y a les années 2000, début 2010, où c'est vraiment la ville se fait abandonner. Enfin, ça, effectivement. Et du coup, elle devient littéralement post-apocalyptique. Et en fait, depuis quelques années, depuis 2-3 ans, je dirais, la ville commence à redevenir tendance, en fait. Et donc, il y a une. Après. Ça peut apporter quelque chose d'intéressant dans le sens où dans Dream Rescue, il y a cette idée des gens qui vont bien, tu vois, des zones épargnées, et qui en fait, je ne dis pas que c'est des antagonismes de l'enclave cuir, mais quand même pas mal, quoi. On sent que finalement c'est plutôt des antagonistes, grosso modo, et donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une comment. Ah, je vais y arriver. Un enjeu où en fait il y a peut-être des promoteurs immobiliers qui veulent reconquérir, tu vois, l'enclave cuir pour y réinstaller la civilisation, entre guillemets. Moi, j'avoue que Ok. ça me plaît comme setting, donc. Très bien. C'est tout Ok. bon pour moi aussi. Bon. Alors après, je vous propose qu'on se fasse pas trop, qu'on se mette pas trop de pression pour respecter l'image qu'on a de Détroit, parce que visiblement, d'ailleurs, parmi vous, vous connaissez pas trop les problématiques de la ville. Puis aussi, on cherche pas à faire du réalisme, tu vois, il va y avoir vachement de fantastique. On va sûrement décrire un Détroit beaucoup plus post-apocalyptique qu'il n'est en réalité, tout ça, donc. Il faut, enfin, on décrit une version complètement fantasmée hein, de Détroit, quoi. Détroit n'est pas entièrement retourné en forêt dans la réalité, quoi. Ok. Donc, alors ensuite, il y a, alors. Il y a une série de questions pour achever le world building. Si vous êtes d'accord, je pensais en fait poser une question à chaque personne, tu vois, chacun son tour. Parce que tout ce qui est concertation, ça prend beaucoup de temps. Comme on n'a que 2 heures de jeu, j'ai pas envie qu'on passe une demi-heure sur le world building. Vas-y, Donc, parfait. ok. Alors, je vais établir un tour de table. Ouais, Dans parce l'ordre que de ce si que je je me. vois, j'ai Bellefeuille, Casséo, Tapis et puis moi. Parce que si je vois, il y a quand même pas mal de. Si c'est le truc que je vois, il y a quand même pas mal de questions, Voilà, effectivement. c'est pour ça que du coup je trace un peu. Bellefeuille, quelle est la couleur du paysage? Exemple, jaune désertique, bleu d'une mer qui recouvre tout, gris d'un hiver atomique. On est dans un paysage bleu-gris, plutôt qui tire sur l'anthracite à beaucoup d'endroits en fait. C'est comme si la végétation était carbonisée un peu, et pourtant il ne semble pas qu'il y ait eu un feu ou quoi que ce soit. Super. Casséo, quelle est l'origine de l'apocalypse? Exemple, guerre, réchauffement, dieu, alien, zombie, arme bactériologique. Alors moi j'avais proposé la chute de l'industrie automobile, c'est moins glamour, mais vas-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Globalement, en vrai, c'est l'inaction des gens à faire quoi que ce soit et de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements climatiques, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a des endroits il y a des endroits de la ville où où le climat est, enfin, le climat s'est déréglé à certains endroits, donc certains endroits de la ville qui sont devenus inondés, qui ont été abandonnés. Puis la végétation, en fait, la nature a continué, elle, à s'adapter pendant que le reste de la société, elle, restait à ne rien faire globalement, ou très mollement. Du coup, la forêt a commencé à bouffer la ville parce que des arbres ont commencé à pousser beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus agressivement parfois même. Et la société s'est juste déplacée, quoi, globalement. Le reste les gens étaient beaucoup trop occupés à gérer leurs problèmes. À gérer leurs problèmes et leurs charges immédiates pour essayer de trouver le moins de problèmes à la solution. Et en fait, ça semble apocalyptique pour quelqu'un qui serait téléporté du début du XXe siècle à maintenant. Mais enfin, c'est pour ça qu'il y a encore des endroits où, bah, en fait, tout va bien, quoi. Ouais, il y a des zones qui ont été abandonnées, mais enfin, ouais, les arbres ont poussé, ils ont bouffé, on le sait, quoi, ça arrive. Super. Alors, je vais rappeler quelques éléments. Notre lieu de vie, c'est une enclave cuir. Alors, je prononce très mal cuir, évidemment, faut pas comprendre la matière, hein, mais c'est le synonyme de LGBT, quoi, LGBT+, quoi, pour faire simple. Colère. oui, désolé pour ta belle feuille. Il y a des pénuries et des manques. Il y a un maelstrom psychique qu'on appelle aussi l'égrégore. L'apocalypse n'est pas arrivée d'un bloc, des endroits et des gens peuvent être moins touchés que les autres, mais elle vient de frapper récemment l'enclave. Donc c'est pareil, nous-mêmes, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est envahi par la forêt. Et une partie de la société est restée intacte. Ouais, bon. Alors. Il y a actuellement la COP 72 qui propose de réduire des trucs. Avec le président qui propose de rien faire. Bon, bah, je vote pour qu'on s'en foute. très bien. Après tout, c'est un problème de la nature et la caisse des merdes toute seule. Alors, ensuite, on est censé choisir nos playbooks. À moins que vous préfériez faire le finir world building avant les playbooks. Mais l'avantage de choisir les playbooks avant, c'est que du coup, on pourra faire un world building qui va être adapté à nos personnages, quoi. Ok. Du coup, pour ceux qui n'ont pas lu, je peux faire un résumé rapide des playbooks. Il y a l'Iris, en fait, c'est celui qui est celui ou celle hein, qui est plus, le plus connecté à l'égrégore, quoi, grosso modo. Le maestro, c'est grosso modo, finalement, c'est la personne qui va assurer l'intendance dans l'enclave, qui va faire du business en fait, hein, grosso modo, quoi. Donc qui va approvisionner tout le monde. La suture, bah, c'est la personne qui répare les. Elle répare les êtres et les choses. Donc c'est un mélange de médic et puis de mécano. Le tigre, ben grosso modo, c'est le ou la chef de gang, et c'est un gang qui tient notamment l'enclave sous sa coupe. Alors après, ça peut être un gang bienveillant ou littéralement qui oppresse l'enclave, c'est pas précisé. Bon après, le tigre, comme tous les autres personnages, ont de toute façon des faiblesses, des vulnérabilités. Le jeu va nous amener à développer ça, donc ce sera pas un chef sanguinaire, sans nuance et tout, c'est pas possible, quoi. Il y aura forcément des faiblesses, et ainsi de suite. On a la torche. La torche, grosso modo, c'est une espèce de messie, quoi. De prophète. On a le nouveau, en fait. Bah, le nouveau, c'est comme son nom l'indique, c'est la personne qui vient de débarquer dans l'enclave. Et du coup, je suppose que... après, la personne qui choisira s'adaptera, mais je suppose que c'est sans doute la personne... c'est pas forcément une personne LGBT, du coup. Tandis que j'ai l'impression que les autres playbooks sont de base LGBT, quoi. C'était un peu comme ça que l'avait pensé, je crois, VL. Après, je pense que c'est aussi très intéressant de jouer un nouveau qui soit LGBT. Justement, quelqu'un qui vit dans une société hétéro, et puis qui c'est peut-être une occasion de trouver une nouvelle famille, quoi. Ouais, pas fatalement, pas LGBT, mais du coup, qui arrive dans une communauté, qui a déjà des codes, qui a déjà des marqueurs et qui les comprend oui, pas c'est ou les vrai, connaît c'est que pas tu peux être totalement. LGBT, mais finalement pas maîtriser les codes de ces sociétés parce que tu sors à peine du placard, quoi. Ouais. Un peu Yes. ridicule. Alors, j'avoue que moi j'avais une grosse préférence pour un playbook, mais. Eh bien, vas-y. Alors, moi je pensais à l'Iris. Alors, je pense que c'est un personnage qui peut être très malsain, mais moi j'avais l'idée d'en faire au contraire un personnage assez lumineux, hein. Vraiment très dans le care, quoi. Puis un petit peu un personnage un peu naïf aussi, enfin vraiment un gros gentil quoi. Hein. J'ai pas. Ouais, ok. Moi, je suis tenté par la suture. Ah bah moi aussi. Vous voulez qu'on tire Et au sort? Bon. Ah. Ouais. On peut tirer au sort. Hein. Ouais, vas-y. Oui, Qui permet de je tirer au vais sort? jeter un dé sur internet. Bah, attends. Après, attends, je veux dire, là, on a une personne qui est sur l'iris, deux personnes intéressées par la suture. Du coup, on Ouais, peut déjà ok. poser ce qui nous intéresse et puis voir si Belle feuille, qu'est-ce qui te fait de juste l'œil? rapidement, quoi. Fin... Mais écoute, je ferai bien le nouveau. Et puis je pense que ce sera assez adapté parce que Ok, finalement le très milieu bien, queer, je le connais convergence. pas tant que ça. Donc voilà. Je relis un petit peu le playbook de la torche parce que... Sinon, moi je fais le tigre, c'est comme ça. Non, mais du coup, attends, je regarde la torche rapidement. Je viens juste de repérer un truc que j'avais. Ah, d'accord, ok. Et le tigre, c'est. Ok, et du coup, tapis, tu Je fais la pense que suture. je peux être aussi intéressé par la torche, du coup. T'es tenté pour la suite. Hop. Alors. Vous me laissez, moi, ça me tente bien. Créer son personnage, donc. Les indications du diagramme, comment créer son personnage? Tiens, comment jouer un personnage? Bon, il n'y a pas. Donc, en fait, vous avez votre playbook. Ouais, attends, est-ce que je te l'ai envoyé? C'est pas dit. Je te l'envoie par MP sur Discord. Où est-ce qu'on peut le voir? PDF que t'as envoyé Thomas normalement. Je crois pas. Donc grosso modo, pendant que je fais ça, vous êtes censé en fait bah, parcourir vite fait, ouais, parcourir, je dirais, il faut lire les trois colonnes du haut quoi de votre playbook, sachant que préparer son personnage, ça veut dire qu'il faut répondre aux questions. Au moins, enfin, ou être prêt d'y répondre parce que ça prend pas mal de questions. Hein. Être prêt de répondre aux questions qui sont à la colonne du milieu. Et puis, bah, vous allez devoir décrire votre personnage, mais bon, ça se prépare pas vraiment. Enfin, je vais vous demander de décrire votre personnage, puis vous me direz les choix que vous avez faits dans la colonne de droite, hein, grosso modo. Alors. Non, non, non, toujours pas. J'ai dû. Je suis pas. J'avoue ne pas être très multitâche. Hop. Pardon Thomas, tu m'as envoyé le fichier ou pas? Bien, non? Oui, je comprends. Pas de problème. Voilà, c'est bon. Ok. Si vous voulez, je peux commencer à décrire mon perso. Comme ça vous mettra peut-être un peu dans le bain. Donc moi, je m'appelle... Alors, j'avoue que Merci. j'ai fait un truc à ma sauce dans ma tête. Ça correspond pas trop à ce qui est prescrit, mais bon, tant pis. Ouais, bon. En fait, si vous voulez visualiser, est-ce que vous avez vu l'image que j'ai mise dans le message de recrutement? Grosso modo, en fait, c'est un homme plutôt avec de l'embonpoint, barbu, donc les cheveux noirs barbus, et en fait, il se promène tout le temps tout nu. À l'exception en fait de, tu sais, il a deux ailes d'ange attachées dans le dos, quoi. Et donc il a l'air, il est tout le temps, il a toujours l'air très doux. Soit il sourit, soit il a l'air compatissant et tout. Enfin vraiment, il est tout en rondeur, quoi. Hein. Oui, donc j'ai dit qu'il était tout nu. Bon, il est assez poilu. Hein. Enfin, c'est clairement, pour ceux qui connaissent le terme, c'est clairement un bear, quoi, un ours, quoi. Donc les styles vestimentaires, bah, évidemment, je n'ai pas choisi. Et donc j'ai deux dons psychiques. Bah, je pense que je vais prendre récolte des mémoires parce que ça me paraît assez convergent avec Milvo. Et puis rêve partagé, je trouve ça chouette. J'étais aussi tenté par l'iris, c'était littéralement les deux que j'étais tenté de prendre. Parce que. Excellent. Bon, j'essaierai de faire honneur à tes Non, non, choix. mais ça match super bien. Et donc, arme de prédilection, j'ai mis couteau caché, c'est-à-dire qu'en fait, il a un petit. Si tu veux, il a une petite cabane dans l'enclave, dans laquelle d'ailleurs il met littéralement quasiment jamais les pieds. Et en fait, dans cette petite cabane de fortune, il y a un petit meuble avec un tiroir, et dans le tiroir, il y a des couteaux. Et en fait, il s'est juré de jamais s'en servir, quoi. Donc, il sait qu'il y en a là, mais voilà, son objectif, c'est de ne pas s'en servir, quoi. Attendu qu'il est persuadé que, en fait, Ange pense être invincible. Il pense être invincible et il est très protecteur avec les autres, quoi. C'est, enfin, il pense être l'ange gardien de l'enclave, et il est persuadé que sa connexion avec les Grégor fera que rien ne pourra lui arriver, ni à lui, ni à ceux qu'il aime. La suite nous prouvera que non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter son perso, Casséo? Je pense que je peux parce que du coup j'ai les éléments. Donc du coup, alors mon personnage s'appelle Diane. Donc esthétiquement, si vous visualisez l'ancienne dans Doctor Strange, donc c'est une femme qui est assez âgée, qui est totalement, qui a les cheveux totalement rasés, donc qui est d'une apparence plutôt moniale en fait. Qui a des habits qui sont des robes de récupération, ça se voit que ça a été fait dans des rideaux, c'est propre, mais c'est clairement du tissu qui a été récupéré, qui a déjà vécu d'autres choses, et certains de ses vêtements ont eu une autre vie après, ils sont devenus des chiffons. C'est du coup une personne qui, au début, au tout début, quand elle était dans l'enclave, elle n'avait pas énormément de personnes. Qui venait lui parler, voilà, c'était un petit peu une sorte de petite gourou de la ville qui avait fini par s'installer, mais petit à petit, en fait, les gens ont fini par se recoller un peu à elle, quoi, à venir lui demander des conseils, à se dire que finalement, peut-être que le mysticisme, ça apportait quand même quelques petites réponses de temps en temps. Son côté mystique, c'est très clairement un truc qui mélange un peu de bouddhisme, un petit peu de New Age, un petit peu d'appel à la terre. Enfin, c'est une sorte de melting pot intraçable et un peu brocambolesque qui a commencé à naître, guère que dans les grandes cités dans les dernières années du The Late Capitalisme. Elle a un regard qui est très changeant. La plupart du temps, il est calme et indulgent, mais tu sais, c'est le regard que parfois, quand tu t'es fait en coin, t'as juste l'impression qu'elle regarde un tas de merde. Son visage est totalement visible, il est très lisse. Donc du coup, bah, elle a une apparence quand même assez androgyne, même si elle cache pas son genre. Les vêtements, j'ai dit. Les rituels qu'elle a, donc... Globalement, les gens viennent la voir pour lui poser des questions. Donc, le premier rituel, c'est augure, c'est le fait de voir des signes, voir quelque chose, être capable de lire les symboles du destin. Par moment, elle parle de purifier les choses par le feu. Donc, so far, ça n'a jamais été plus loin que juste faire griller des choses ou brûler des vieux vêtements pour s'en débarrasser. C'est son petit groupe qui l'entoure dans l'enclave. Elle le considère comme sa famille. Enfin, en tout cas, ouvertement, c'est comme ça qu'elle en parle. Ok. Alors, je viens de penser à un truc que ce serait bien que chacun note, en fait, c'est que on a tous dans nos playbooks une action qui rapporte un jeton aux autres s'ils la font. Alors, moi, par exemple, c'est si quelqu'un m'invite à utiliser ses dons psychiques sur lui, ce quelqu'un gagne un jeton. Donc les jetons, vous allez pouvoir vous en servir pour faire les actes, ce qu'on appelle les actes forts, donc les moves les plus puissants du jeu, quoi, grosso modo. Donc ça peut être pas mal que vous notiez donc, que si vous invitez Ange à utiliser ses dons psychiques sur vous, vous avez gagné un jeton. C'est évidemment D'accord. quelque chose que le jeu a envie que vous fassiez, quoi. Quant à toi, Torche, je sais pas... C'est quand quelqu'un participe à un de mes rituels pour la première fois. Ok. Du coup, ça peut être pas mal qu'on ait jamais participé à tes rituels. Ouais, je pense que ça peut être sympathique. Genre, enfin, y a pas, c'est très loin d'être toute l'enclave. Il doit y avoir peut-être 5, 6, allez, une 7e personne qui commence à dire oh, « Je viens de temps en temps, mais tu vois, c'est pas... » Super. Alors, qui de Tapis ou de Bellefeuille veut nous présenter son perso ? Je finis. Je veux bien être le dernier, si ça te pose pas de problème, Tapis, parce que j'ai quand même. Je viens juste de prendre connaissance du document, du coup, je suis en train de faire des choix. Si ça te dérange pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Les principes, il faut en choisir un ou c'est tous les principes ça, c'est tous les principes, c'est toutes tes directives de jeu, ça. Oui, c'est des conseils sur comment jouer le perso. Alors moi, c'est Nils. C'est une personne pan-genre. Ça veut dire que c'est un peu tout et rien à la fois, d'après ce que je comprends. Vous m'arrêtez si je me trompe. Alors, je peux te donner le conseil sur les genres. Avery Elder dit c'est normal qu'il y a certains mots qui soient pas, qui de toute façon n'ont pas de définition officielle actuelle. C'est fait pour que les approches. Alors, j'ai vérifié pan-genre sur Wikipédia. Vérifier moi aussi vite fait. Du coup là je vais à la fois être masculin et féminin d'une certaine façon et autre. Ouais, c'est ça. Du coup je vais alterner entre le féminin et le masculin. Du coup Nils qui a une mèche rouge un peu en crête, des mains toujours graisseuses parce que en fait c'est une mécano et il répare les corps comme des machines en fait. Il considère les corps humains comme des machines motrices, c'est un peu sa vision du monde. Et elle a toujours des manuels sur à peu près tous les sujets, étant donné qu'il commence à oublier ses connaissances, etc. Elle a minutieusement écrit ce qu'elle sait récupérer des choses. Il se balade toujours avec ces manuels-là. Et il y a toujours plein de poches sur ses habits. On voit que c'est beaucoup de récup et que c'est une sorte d'assemblage en fait. Mais le personnage est un assemblage. C'était des trucs ou pas, normalement c'est bon. Les actions à jetons, moi, c'est quand on vient me demander de l'aide, genre quand on passe sur la table d'opération, du coup, pour être soigné, réparé, etc. Ou qu'on me demande de créer ou réparer quelque chose ou quelqu'un. Donc, si on te, grosso modo, si on te demande de l'aide, on gagne un jeton ou c'est toi qui en gagne un ? Alors, quand on me demande de l'aide, c'est vous qui gagnez un jeton. Quand c'est quelqu'un qui passe sur la table d'opération et que je me mets au travail, je gagne un jeton. Ok. D'accord. Entre le fait de demander et le fait de le faire. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, si, je vois, parce que Ouais. demander en position, enfin, c'est pas parce qu'on te demande que tu vas dire oui ou que tu peux pas demander quelque chose ou que, Exactement. enfin. Nice. Peux très bien dire, ah non, excusez-moi, c'est pas possible. Hein. Bellefeuille, est-ce que tu t'en sors? Ouais, c'est bon, à peu Bah du près. coup, on t'écoute. J'avais une question quand même par rapport aux actes faibles et actes forts. On doit en choisir un certain nombre, c'est ça? Non, non, non. Non, non. Ils sont Non? tous à ta disposition. L'idée, en fait, c'est D'accord. que en jeu, les actes normaux, tu peux les faire à l'infini, quoi. Et c'est en illimité. Les actes faibles également, tu peux les faire en illimité. La particularité des actes faibles, c'est que c'est plutôt des actes qui vont exposer ton personnage, le rendre vulnérable. Donc quand tu fais un acte faible, tu gagnes un jeton. Et du coup, en fait, ça te permet de faire des actes forts, parce qu'en fait, pour faire des actes forts, il faut dépenser un jeton. D'accord. OK. Alors, Avrialder précise vraiment que les actes faibles, ils sont intéressants aussi à jouer pour eux-mêmes, tu vois. Il n'y a pas que... Ça peut faire un peu bâton-carotte comme Oui, ça. Mais en pas de fait, problème. ils sont cool, les actes faibles, parce que l'idée, c'est qu'on joue des personnages qui ont des faiblesses, qui ont des hauts et des bas, et qui vont pas tout le temps... Enfin, des fois, ils vont un peu se faire rouler dessus, quoi. Donc c'est intéressant de... Ils sont vraiment intéressants à jouer, même si derrière, vous dépensez pas forcément les jetons, quoi. J'ai quasiment envie d'en enchaîner 5 des actes faibles perso. Tu auras le temps d'étaler toute ta faiblesse. Ne t'inquiète pas. Et donc c'est là où je disais que Bien. le jeu était très simple parce que c'est le gameplay, ça se résume à ça. Ok. Mon nom, c'est Marshall. Je suis un homme, un ex-militaire. Déserteur qui vit depuis quelque temps de rapines, de pillages, seul, complètement seul, après avoir totalement oublié l'endroit où pouvait se situer ses origines ou sa famille, complètement errant. Et je suis particulièrement travaillé et j'ai peur en fait de quelque chose qui est en train de m'arriver, c'est qu'il y a une partie de mon corps qui change. Il y a des plaques sur ma peau qui semblent ressembler à quelque chose d'un peu végétal, comme de l'écorce. Et ce phénomène a tendance à se développer. Cela, je le cache, bien sûr, au maximum. C'est pourquoi je porte toujours des vêtements à manches longues, rapiécés, bien sûr. Des vieux vêtements militaires que j'essaie d'entretenir comme je le peux. Comment je suis arrivé dans la communauté, parce que je suis un nouveau, c'est qu'en fait, ben, j'étais en train de voler une partie de leur stock après les avoir observés. Ils ont l'air faibles. Excuse-moi, je t'arrête un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères dire qu'en fait t'es nouveau, mais enfin en fait t'es déjà dans l'enclave quand le jeu commence, ou est-ce que ce serait intéressant que la première ou la deuxième scène on joue ton arrivée? Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je pensais lancer une toute petite idée, puis ensuite on pourra le développer. Je pensais que je serais arrivé, que j'étais en train de vous cambrioler, quoi. Vous voler des stocks de nourriture et peut-être de médicaments, et que vous m'avez attrapé sur le fait. Vous êtes peut-être maintenant dans une situation où vous allez décider de ce que vous allez faire de moi. Nice, ouais, ça, moi je trouve D'accord. que ça pourrait être une première scène vraiment sympa, si ça te gêne Ben pas voilà. d'être exposé dès la première scène. Non, non, pas de problème. Ok. Du coup, si tu penses avoir fini ta présentation, on va passer à la suite. Ouais, c'est bon, ça suffira pour l'instant. Un homme assez grand, robuste, dans la force de l'âge, en apparence. Robuste en apparence, je voulais dire. Donc là, en fait, on a des questions à poser à notre voisin de droite et une à notre voisin de gauche parmi les quatre suivantes. Donc alors, attends, on est quatre, ça fait qu'on va poser huit questions, rien que ça peut être assez long. Est-ce qu'on pose quand même les huit questions en disant que c'est important? Ou est-ce qu'on n'en pose qu'une chacun? Bah, au moins une à gauche et une à droite, je pense. quand même. Ah bah donc, du coup Donc ouais, on ça pose fait les 10. 8 questions quoi du coup. Bon bah. Je pense que c'est important quand même Très bien, pour très bien. poser des liens de Bon. base. Ok. Allons-y. Du coup, les questions sont. Le mieux c'est que vous les ayez sur les yeux, c'est en page 2 du PDF. Hein. On les tire au hasard, non? Dans les 8, comme ça. Bah quand ce sera à toi de poser des questions, tu feras ce que tu voudras. Il y a Ok, que juste pour quatre, aller en fait, plus il y a que vite. 4 questions différentes. Donc en fait, les questions vont être posées plusieurs fois. Ah, C'est d'accord, page ok. 2 du PDF. Je savais pas. Page 2, colonne de droite, numéro 5. Donc les questions, c'est de quoi nos personnages parlaient hier? Qu'est-ce que mon personnage a emprunté au tien? Au travers de quel événement effrayant nos personnages sont passés ensemble? En quoi la relation de nos personnages a changé récemment? Alors, il n'y a pas de gauche et de droite, donc du coup, je vais vous ordonner, si vous permettez, en fonction de l'ordre dans lequel je vous vois sur le vocal. Donc, du coup, Bellefeuille, par exemple, tu poserais des questions à la personne en bas de toi et en haut de toi, donc en fait, à moi et puis à Casséo, quoi. Ok. Alors attends, j'arrive pas à voir la liste des questions. Tu m'as dit page Page 2 du 2. PDF, colonne Ouais, de droite, c'est une femme paragraphe après 5. l'image. Colonne de droite, paragraphe 5. Ok. Donc tu choisis une question pour moi et une question pour Casséo. Eh ben c'est parfait. Eh bien, ça sera une question pour Casséo. Et ma question c'est, de quoi nos personnages parlaient hier? Alors, attends, je réfléchis un tout petit peu. Je me repose. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à repérer les voix. On est bien d'accord, c'est bien toi, Tapi, qui a posé la question. Non, c'est Bellefeuille. Non, c'est pas Ah, moi. punaise, C'est pas vraiment moi. désolé, j'ai encore un peu du mal à. Pas de souci. Bah, techniquement, du coup, si on considère qu'aujourd'hui, enfin, tu as déjà vu la communauté deux, trois fois, en fait, tu as déjà tourné autour, Ouais. venir, etc. Donc déjà, deux, trois reprises, Diane t'a repéré. Parce que de temps en temps, ça lui arrive elle aussi, de sortir un peu de l'enclave pour aller dans la forêt récupérer deux, trois trucs. Et c'est pas la première fois que tu tombes dessus, mais toi, tu avais déjà prévu de venir cambrioler des trucs, tu avais repéré les lieux, etc. Et hier, par demi-mot, par sous-entendu, par pas mal de choses, en fait, Diane t'a clairement fait comprendre qu'il y a des endroits où il vaut mieux ne pas être et il vaut mieux pas venir. Mais tu sais, c'était juste des il risque de faire demain il risque de faire froid, je pense que vous devriez vous rester chez vous à vous reposer. À aucun moment, alors que tu étais clairement louche, elle t'a demandé hey, qu'est-ce que tu fais là ou Hashtag autre, mais non. passif-agressif. C'est ça. Non, mais donc c'était il a pu l'interpréter comme une menace alors. Ça ressemblait vraiment à une menace voilée. Une Ok. menace ou une mise en garde. D'accord. Voilà. Ou un koan zen à méditer durant ta vie entière. C'est ça. Mais pour le coup, enfin, tu l'as déjà rangé dans le personne. Enfin, un peu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu foutais là, même si t'étais armé, quoi. Donc. Ok. Du coup, tu reposes la deuxième question ou j'enchaîne? Oui. Ah oui, vas-y, comme ça on peut tourner, oui, vas-y. Bah moi, je vais demander du coup à Tapi, qu'est-ce que mon personnage a emprunté au tien? Ah bah très bien. Qu'est-ce que ton personnage a emprunté au mien? Alors attends, toi tu es la torche, tu fais des rituels. Si j'ai bien compris, hein. C'est Ça ça. pourrait être une machine du coup qui servirait pour tes rituels. Oh. Franchement, apprends-moi ce que je t'ai emprunté, hein, sans toi libre. Yep. Alors, je réfléchis. Hein. Emprunter une machine qui en fait se branche sur les gens et qui permet justement de faire des liens entre plusieurs personnes, de faire une connexion. Des sortes de casques que tu branches dans la peau de l'autre et ça permet d'avoir un autre plan de communication. D'accord. Les rituels, je pense. Vas-y, du coup, vas-y, c'est à toi de poser la question. Du coup, moi, je te pose la question. Attends, il faut que je retrouve. En quoi la relation de nos personnages a changé récemment? Du coup, tu la poses à moi ou à Thomas? Kazeo, à toi. Ah. Ouais, à quelle des deux parties de la question? C'est moi ou En Thomas, quoi du coup? notre relation a changé? Tu es totalement libre d'inventer ce que tu veux, t'inquiète. Excusez, je sais pas si j'ai pas des coupures. Donc du coup, c'est à mon personnage, à Ouais, c'est à toi de Diane. répondre, ouais. Si j'ai Alors bien moi j'ai compris. une... Ouais, merci, désolé. Ben, j'ai une mauvaise connexion, c'est peut-être ça aussi. Non, c'est. Donc, du coup, en vrai, les relations ont changé parce que je pense que de loin, on n'avait pas vraiment de relation ou quoi que ce soit. Et ça fait quand même pas mal de fois, pas que. Enfin, là, ça, c'est dernièrement que je t'ai emprunté le casque. Mais assez récemment, régulièrement, dernièrement, quasiment une fois par jour, à la même heure, t'as Diane qui vient me voir. Pour parler un petit peu. Enfin, donc du coup, c'était assez étrange parce que la première fois, elle est juste rentrée là où tu fais tes affaires, puis elle a commencé à te Mon demander, atelier. enfin, te dire que c'était une belle journée, te demander ce que tu faisais. Enfin, tu vois. À chaque fois, elle te pose trois, quatre questions, puis elle s'en va. Et c'est un petit manège qui dure depuis 2 semaines maintenant. C'est sorti de nulle part. Et du coup, techniquement, ça fait qu'il y a pas mal de gens qui commencent à. Enfin, tu vois, même si toi, t'as pas réagi, il y a pas mal de gens qui ont commencé à te dire, hey, mais du coup, tu suis ce que dit la prêtresse là. Mais alors, sans doute non. Mais t'as l'impression que t'as. En fait, même sans faire quoi que ce soit, tu vois, t'as eu un lien qui t'a été un peu forcé juste parce que elle vient te voir tous les jours et elle te pose trois, quatre questions. Du coup, la question pour Thomas. J'ai l'impression d'être la question pour un champion. Bah, en fait, non, c'est à mon tour de poser une question, Là, puisqu'on a dit qu'on posait chacun une question, puis après on refait un tour. okay, bon. Vas-y, toi. Alors, tata-tata, donc moi je pose soit une question à Tapis, soit à Bellefeuille. Allez, j'ai une question pour toi, Marshall. Vas-y, je Au t'écoute. travers de quel événement effrayant nos personnages sont passés ensemble? Alors, sachant que toi et moi, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Ouais, mais il n'est pas exclu qu'il y ait un lien particulier entre nous. Je pense qu'en fait, dans un temps passé indéfini, il y a eu un événement assez traumatisant pour moi. Un événement que j'ai inconsciemment, je l'ai viré de ma mémoire. Peut-être est-ce l'oubli, enfin bref. Je marchais avec mon frère lors d'une de mes permissions. On profitait une dernière fois en fait de notre liberté. Dans un monde où l'apocalypse ne semblait que ce qu'on peut voir dans les films ou enfin vraiment quelque chose de d'irréel quoi, une fiction. Et la pluie a commencé à tomber. Iris, Je enfin, m'appelle Ange. ça s'appelait certainement pas Ah non, comme mais ça à l'époque. Iris, Ouais. c'est mon playbook, mais je m'appelle Ange, Ange. Ouais. c'est Et je Ange, m'appelais pardon. pas Ange à Ouais. l'époque non plus. Ouais. Ben, mon frère. S'est rué à l'abri. Il a été peu touché. Et moi, j'ai toujours adoré courir sous la pluie. J'ai levé les bras. C'était une joie, en fait, de recevoir cette pluie fraîche sur moi. Mais dans les jours, qui ont suivi, les choses ont mal tourné. J'ai pas envie de développer plus pour l'instant. Non, bah c'est cool. Vu que là, on a déjà fait un tour avec une question, je me dis, on peut peut-être se reposer la question de maintenant. Est-ce qu'on veut re-reposer une question ou est-ce qu'on se dit qu'on a assez? Est-ce Parce que du coup, moi, je reviens un peu sur ce que je disais au début. Je pensais qu'il fallait poser les 8, mais en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas Bah, mal de surtout matchs. qu'on a pas un temps de jeu li... enfin, on va avoir un temps de jeu très limité, donc C'est ça. voilà, c'est on ferait une campagne, je dis pas, mais là on va peut-être enchaîner. Oui. Ok. Bah, donc, moi, Bon ça me bah va si du tout le coup. monde est d'accord. Il va falloir se répartir les livrets de cadres entre les joueurs. Donc nous sommes à cadres, il va falloir se répartir les quatre cadres primordiaux. Donc les cadres, ça commence à la page 6 du PDF. Et donc les quatre cadres primordiaux, c'est donc l'enclave cuir, diverses pénuries, le maelstrom psychique, donc l'égrégore hein, dans Milvaux, et la société intacte. Donc il y a un cinquième cadre qui s'appelle les gangs alentours qui ne sera pas joué. Et donc en fait, il faut que Ouais, chacun en d'accord. prenne un cadre. En fait, du coup, faut imaginer, ça fait un peu, c'est un jeu AMJ tournant en quelque sorte, quoi. Chacun me jette sur une partie de l'univers, quoi. Alors, je sais plus si je l'ai lu, mais je pense que c'est déconseillé de prendre un cadre qui est directement lié à votre playbook. Par exemple, l'enclave cuir est directement liée au nouveau et au tigre. Et donc, j'aurais tendance à D'accord. déconseiller au nouveau de jouer l'enclave cuir, quoi. Parce Ok. que on aura beaucoup envie de te faire dialoguer avec l'enclave, quoi. Donc je vous laisse un petit peu parcourir Moi, les, je peux. les cadres et puis me dire si lesquels ont votre préférence. Moi, je prendrais bien la pénurie, si les pénuries, si ça vous convient. Ça Ok, moi, je marche. suis pas mal tenté par l'enclave, du coup. Moi, je vais laisser le Maelstrom psychique à Alors, Thomas. ça va être un peu embêtant. Ouais. Parce que du coup, c'est directement Bah, du lié. coup, je vais Alors, le est-ce faire. que c'est pas trop. Ça va, c'est pas trop inconfortable pour toi quand même de jouer le En Maelstrom parler de. psychique? Non, je pense pas. Ok. On est bien d'accord que c'est l'emprise des rumeurs sur les Ouais, c'est choses ça. Puis tout le monde, chez de toute façon, l'Egrégore, du tu coup, le vois, maïs. enfin, Ouais, c'est très tout décrit, à fait. hein. T'as juste à lire, quoi, hein, grosso modo. J'ai déjà Ok, quelques petites super. idées. Donc l'enclave est jouée par Casséo. Les pénuries par Bellefeuille. Le Maelstrom par Tapis. Et moi, je vais jouer la société intacte. Je pense que ça peut être pas mal qu'on se prenne 2 minutes pour relire notre cadre. En vrai, je me rends compte que j'ai jamais fait jouer Dream Rescue aussi parce que je suis pas très fan du post-apocalyptique de base, typé Mad Max et Apocalypse World. Et en fait, du coup, mettre la surcouche Milvaux, ça Ah, débloque ok, beaucoup de c'est choses cool. pour moi. Parce que c'est une toute autre apocalypse et je trouve ça Bah, tant beaucoup mieux. plus sympa. Donc, est-ce que vous avez besoin encore de temps pour lire ou est-ce que c'est bon? Pour moi. C'est tout bon. Tapis, ça va aller? C'est Bah bon, oui, je t'avais pas entendu. tu Ok, c'est m'entends? bon. Très bien. Et là, il y a. Normalement, avant de jouer, il y a une trouzaine de questions auxquelles répondre. C'est peut-être pertinent si on joue en Bah, campagne, moi, ce que peut-être je pas vous en one shot. propose, Ouais. c'est que. En fait, chaque cadre doit poser une question au sujet de son cadre à quelqu'un d'autre. Donc, et normalement, il y a 5 questions à me poser. Moi, ce que je vous propose, c'est que chacun. Pose une question, une seule question, parmi les 5. Donc, Casséo, tu joues D'accord. l'enclave. Donc tu vas à la page 3 du PDF, colonne de gauche, et donc tu choisis une de tes 5 questions et tu la Ouais, je vais. poses bah, à qui tu veux, quoi. Je vais la poser de manière ouverte, comme ça la première personne qui a une réponse J'ai peur que ça fasse perdre me du temps en donnera, fait. ou si vous voulez moduler un peu. Tout ce qui est concertation à D'accord. plusieurs, c'est chronophage, donc vaut mieux que tu cibles quelqu'un et puis. Ok. Dans ce cas-là, je vais te poser la question à toi, vu que je ne t'ai pas Yes, posé ah bah on parmi les peut deux faire comme questions ça. de base. Du coup, c'est quoi l'organisation sociale dans l'enclave? Enfin, comment qualifieriez-vous l'organisation sociale de l'enclave? En fait, c'est l'anarchie, quoi. Donc concrètement, on a refusé tout pouvoir centralisé. Les décisions qui impliquent tout le monde, elles sont prises en collectif. Et du coup, ça, c'est un peu. On ne sait pas si ça va tenir avec Diane, qui commence à prendre du pouvoir spirituel, quoi. Et donc, ça pourrait menacer l'anarchie, quoi. Bellefeuille, peux-tu poser une question à quelqu'un sur les pénuries? Oui, je vais demander à Suture comment il gère la pénurie d'outillage, de médicaments, et de, enfin, pas d'outillage, mais d'accessoires pour tout ce qui est soins, en fait, et de médicaments, la santé. On ne le gère pas, tout simplement. En fait, on est obligé de prendre avec ce qu'on a sur le tas, du coup, des outils qui sont pas forcément désinfectés, etc. Coup L'affection. gangrène, d'infection. On essaie de faire comme on peut, mais beaucoup d'amputations, de malades incurables, etc. à cause de ça. Et du coup, les gens se transforment un peu, entre guillemets, en hommes robots, c'est-à-dire qu'ils ont des prothèses, etc. Des prothèses primaires, hein, c'est vraiment juste une jambe de bois, quoi. Nice. Okay. Ce Alors, qu'on pour info, génère. Bellefeuille, t'as posé une question qui n'était pas sur la liste. Bon, c'est pas dramatique, mais je tiens juste à signaler. Ah, si, attends. Les initiatives. Qu'est-ce qui est impossible de trouver chez vous à proximité? C'est à peu près ça, quoi. C'est très bien, t'inquiète pas, Bon. c'était parfait comme question. Oui. Tapis, en tant que Maelstrom, peux-tu poser une question à quelqu'un? Alors je vais poser la question à la torche et ça va être qu'est-ce qui rend le maelstrom concret et indéniable dans votre quotidien? Il y a pas mal de gens qui, pour plein de raisons, ne veulent pas trop croire qu'il y ait quoi que ce soit, mais on a surtout dans certaines zones de la forêt très clairement des endroits où les gens au début ont dit entendre des voix, entendre des murmures, hein, et c'était un peu des histoires de fantômes, mais en fait, toute personne qui est sortie de l'enclave et qui est allée dans les zones un peu plus profondes de la forêt. Ont clairement, enfin, reviennent avec toujours les mêmes histoires de non, non, il y a clairement des voix alors qu'il n'y a pas de gens, ils ont réentendu des dialogues ou des morceaux de dialogue, c'est comme si il y avait des morceaux du passé, enfin des dialogues ou des sons du passé qui revenaient à des endroits où il y a aucune raison d'être. De manière générale, tout le monde en a fait les frais. C'est des sortes de vision, qu'on pourrait dismiss par des hallucinations sonores ou auditives, mais vu qu'absolument tout le monde en a vu au moins une fois, tout le monde sait que oui, non, non, il se passe des choses dans la Ouais, c'est pas forêt juste dans et la il tête y a des bien gens. quelque chose. C'est pas juste dans la tête. Par contre, personne, enfin, mis à part les gens qui disent avoir des réponses, personne n'a de réponse ferme. Alors, Bellefeuille, je crois que personne t'a posé de questions. Du coup, je vais le faire. C'est une question sur la société intacte. Quelle menace la société intacte fait planer sur l'enclave? Je pense que c'est tout simplement l'annihilation. considèrent que cette enclave est un risque pour leur survie et a peut-être des projets plutôt à court terme de faire du propre, quoi. Ok. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous expliquer rapidement comment on joue. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Hein. Ça se joue tour par tour. Pendant un tour, il y a quelqu'un qui va jouer son cadre, donc qui est le MJ du tour, quoi. Je crois qu'il est invité, du coup, à ne pas jouer son personnage. Son personnage est en retrait, quoi. Et il va proposer à un autre joueur d'être le personnage central du tour, quoi. Donc ça peut être moi en tant que cadre X, j'ai envie de faire de proposer une scène centrée sur tel perso, quoi. Et donc du coup tu joues ton cadre et puis tu challenges le joueur que tu as voulu cibler. Et les deux autres joueurs qui sont pas impliqués peuvent jouer soit leur personnage, soit leur cadre, mais l'un comme l'autre c'est un petit peu en retrait, enfin, c'est-à-dire que il y a un perso qui est la star du tour et donc les autres sont plus en support, quoi, grosso modo. Et donc pendant ces tours-là, on peut jouer autant d'actes qu'on veut, quoi, et puis on arrête quand on pense que. C'est oui, une scène peut durer entre 5 et 25 minutes de temps de jeu. Bon, grosso modo, c'est du feeling. Après, on va avoir une heure de jeu, donc il faut quand même faire des scènes assez courtes. Voilà, vous avez un peu le gameplay en tête, là, ça va ? Ça va pour moi. Ça me va. On n'a pas parlé ligne et voile. Alors, il n'y a pas de sécurité émotionnelle qui est proposée dans le jeu, mais effectivement, rien ne nous interdit d'en rajouter. Alors, ligne. Donc, ligne, c'est les choses qu'on a interdites, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas aborder ? Non. Et voile, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez pas... Comment... Enfin, on a le droit de les aborder, mais ils sont pas montrés crûment. Moi, ça va. Là, le PDF, il est un peu réduit. Je crois qu'il y avait une simple mécanique dans celui que j'avais vu qui était... si jamais on peut, il suffit... Si quelqu'un demande une pause, bon, là, une pause est accordée. Là, c'est une sorte de kit d'initiation. Hein, c'est effectivement pas le jeu complet. Ouais. Il y avait un petit paragraphe effectivement sur la sécu émo dans le jeu. Mais là, je l'ai plus sous la main, quoi. Donc, on part du principe qu'on peut aborder tous les thèmes et que s'il y a quoi. Alors, je voudrais mettre un voile sur la sexualité, c'est les rapports sexuels. C'est-à-dire que c'est tout à fait ok pour qu'il y ait des rapports sexuels. Mais c'est juste pas décrit. Enfin, voilà, c'est ma limite habituelle en général, quoi. Ça vous va ? D'accord. Ouais. Pas de soucis. Alors, ça peut être, on peut être très érotique, hein, enfin, mais sans décrire cliniquement ce qui est en train de se passer, quoi. Ça peut être très chaud patate, mais il n'y a pas de voilà. On va pas nommer les actes sexuels, quoi, pour faire simple. On ne va pas rentrer dans des détails techniques. Est-ce que tu... voilà. Oui, t'as le droit de dire que tu mordis l'oreille. Enfin, tu vois, les trucs un peu kinky qui impliquent des parties du corps qui sont pas habituellement considérées comme sexuelles, ça va, on peut décrire, quoi. C'est ça, effectivement, j'ai chopé le bouquin, la version plus complète là que j'ai sous la main, et This text offers a humble tool, pause. Donc voilà, c'est n'importe quel moment, quelqu'un peut dire le mot pause, et dans ce cas-là, on freeze le jeu, et soit la personne explique, soit la personne dit qu'elle a besoin de temps. Très mais, bien, voilà, bon, du coup, on a cet outil aussi à notre disposition. Ouais. La personne n'est pas invitée à se justifier, elle est juste invitée à dire de quoi elle a besoin là maintenant tout de suite, si elle le sait. Donc, je vous propose, si vous êtes chaud, de se lancer. Comme ça, on va avoir une heure de jeu, quoi. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez d'accord pour qu'on fasse justement la, si on, qu'on commence avec une scène qui implique le nouveau. Je pense que ça peut passer. Enfin, je pense que c'est grave. C'est intéressant, quoi. C'est juste après. En fait, du coup, on peut le faire. Techniquement, du coup, ce serait moi qui devrais procéder, proposer, ouais. Parce que j'ai le cadre de l'enclave cuir. Donc, du coup, est-ce que ça te va si on commence par j'ai plus le nom du nouveau, mais Marshall qui vient d'être attrapé par quelques personnes robustes quand même de l'enclave, qui ont entendu qu'il y avait trop de bruit dans le seul endroit où l'enclave garde des ses ressources, et où Marshall est traîné un petit peu sur la place avec la fontaine cassée, où t'as pour en gros une réunion, on a trouvé quelqu'un qui fourtait, faut qu'on prenne une décision, quoi, parce que traîné par deux personnes. Alors, je regarde ce que j'ai le droit de faire, mais ouais. Traîné par deux personnes qui ont l'air d'être jumeaux-jumelles, c'est dur à savoir. Et je suis déjà en train de cadrer, mais tu me dis déjà si tu es OK avec. Qui est-ce que tu mets au cœur de ta scène ? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est toi. C'est toi. Là, c'est juste. Okay. Ils me disent de décrire. Le principe me dit de décrire des PNJ de l'enclave. Donc, j'en profite pour en décrire deux, trois. Ouais, OK. Bah écoute, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais donc du coup, c'est t'as Marshall qui est ramené, qui est encadré du coup par trois personnes. Alors t'as une personne grande et massive avec un énorme binder, hein, c'est Billy Laflin, c'est lui qui tient les stocks. Un grand type bien baraque et, comme je dis, toujours torse poil sauf son binder, quoi. Et deux plus jeunes, plus maigres, c'est les deux rats, comme on les appelle, c'est des frères jumeaux, des sœurs jumelles. Ouf, pour le coup, tout le monde s'en moque, qui te suivent derrière et qui surveillent. Et t'as globalement un rassemblement, t'as Billy Loafuine qui hurle un petit peu le on a attrapé quelqu'un, j'ai besoin de... Enfin, en gros, qui appelle à la foule à venir parce que y a un furteur qui a été trouvé. Est-ce que quelqu'un peut venir, est-ce que d'autres personnes peuvent venir, quoi. En fait, je pense que vous voyez que je m'enferme dans un mutisme en baissant la tête avec un air totalement accablé, quoi. La situation a jamais été aussi désespérée, mais j'essaie quand même d'envisager un échappatoire en jetant des regards un peu fuyants de droite et de gauche. C'est de voir si je peux trouver une opportunité de fausser compagnie à cette bande de tarés. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, clairement. Est-ce que d'autres personnages ont le droit d'intervenir dans la scène ? Ouais, c'est vous qui choisissez si vous voulez les intégrer ou pas, quoi. Bon, du coup, toi, tu vois qu'il y a d'autres membres de l'enclave. Alors, du coup, Marshall peut voir qu'il y a pas mal de monde qui sort à droite et à gauche. Ouais. Il voit que t'as donc les deux rats, les jumeaux-jumelles, qui derrière eux semblent avoir déjà décidé c'est quoi le sort qui va être réservé à Marshall. Et on t'envoie parmi les deux quelqu'un qui a déjà sorti un couteau. T'as Billy Laflin qui le regarde d'un air très réprobateur. Tu sens que les deux derrière toi sont partis pour dire on fait une justice rapide. Tandis que l'autre attend que non, qu'il y ait une vraie discussion, quoi. En fait, je scrute la foule à la recherche de quelqu'un qui pourrait avoir une position d'autorité dans le groupe. Je pense que celui qui me semble le plus imposant C'est cette espèce de pachyderme à plumes. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Et il regarde la scène Et du coup, moi. fixement. Et du coup, mon regard Moi. se plonge dans le sien. Vas-y. Bah, du Tu coup, remarques qu'il moi, y a pas mal j'aimerais à part. bien Ouais, pardon, désolé, c'est moi. t'envoyer. Attends, remarque, il faut pas que ce soit un acte fort. À utiliser un don psychique. Non. En fait, est-ce que tu te rappelles quand tu me vois? Alors, j'ai changé, hein. C'est-à-dire que j'ai pris du poids, j'ai plus d'habits et j'ai des ailes d'ange. Mais est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu te rappelles les circonstances terribles pendant laquelle on a fait connaissance sous cette pluie maudite? Je crois que non, hein. Moi, je fais Franchement, une tête que, bah, style, je te reconnais, quoi. Je j'ai fais une jamais croisé tête ta route. vraiment étonnée, quoi, de te voir là, quoi. Enfin, donc du coup, enfin, ce que Marshall peut voir, c'est que bah, le groupe, la communauté, c'est un peu réuni, mais bah, déjà il y a du temps, il y a des dialogues qui sont entre. T'as quelques personnes qui prennent la parole en demandant qui c'est. T'as un des deux rats qui hurle clairement, c'est une vermine qui était en train de voler nos stocks. T'as pas mal. Enfin, tu remarques que même si Billy Lafuine a pris la parole et demande aux gens de venir, ça se voit très clairement qu'il n'y a pas une personne qui dirige le groupe ou quoi que ce soit. Et même tu te rends compte assez rapidement que en fait la communauté est encore en train de se demander. Alors du coup, de manière très inconfortable parce que t'es au beau milieu et t'es juste en train d'attendre. Le temps passe quoi. Mais la communauté est déjà en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et tu te rends compte que certains commencent déjà à se dire enfin, déjà comment on va décider ce qu'on va faire. Ouais, je pense que je reçois un coup derrière les jambes et on me pousse en avant de sorte à ce que je tombe la tête la première au milieu de la place un peu boueuse, quoi. Et tout le monde me regarde, effectivement, il y a un grand questionnement. Je me dis que là, il n'y a pas vraiment de solution, hein. J'ai les mains liées dans le dos, je suis allongé au sol, il y a ces tarés derrière moi. Ma seule chance, c'est peut-être d'arriver à implorer la pitié ou voilà, je vais vraiment me laisser faire et montrer que je suis plus vulnérable que jamais, quoi. Là, je peux faire une réaction ou pas, si vous me le permettez. D'accord. Bien sûr, Bah, bien sûr. j'aimerais bien utiliser la réaction du coup à la justice et à la raison. Vas-y, c'est une action normale, donc tu peux le faire comme tu veux, quand tu veux. Ouais. D'ailleurs, juste pour des raisons un peu immersionnistes, vous ne sentez pas obligé de nommer vos actes. Vous savez effectivement que vous pouvez jouer les actes normaux et faibles en illimité, les actes forts seulement si vous dépensez un jeton. Personne n'a besoin de savoir que vous dépensez un jeton ou que D'accord. vous jouez tel acte. Vous le Ouais, mais jouez, c'est après, tout, moi, quoi. d'un point de vue, tant qu'on n'a pas le truc en main, je trouve pas ça pas trop mal au tout début que tu dises, hey, je fais une réaction parce que ça permet à tout le monde de se dire, ah, ok, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, Ok, d'accord. Autant pour moi. Très bien. Bah, on c'est se deux relance écoles de là-dessus game alors. design qui se bataillent. Tatin, les immersionnistes versus les mécanistes. Coup, je fais mon Bah, judo du coup. narratif et je vais devant la foule et j'essaie de la calmer en disant que c'est une personne et du coup, comme toutes les personnes, elle mérite de passer devant le conseil justement. Qu'on se mette d'accord tous ensemble, vu qu'on est en anarchie, du coup, à l'ensemble de décider comment on va gérer le problème et pas comme ça, quoi. Du coup, j'appelle à la raison en essayant de calmer les gens et justement de faire ce que ce semblerait-il déserteur soit jugé pour ses actes et subissent le châtiment adéquat ou dont il a besoin. Tu vois, de toute façon, dès que tu commences à parler à la foule, il y a plusieurs personnes qui te répondent, je ne rentre pas, mais enfin, il y a des personnes qui. Enfin, a priori, tout le monde est d'accord sur ce point, personne ne te le conteste. Tu as ramené un petit peu les gens qui étaient les plus véhéments à se poser. Ouais, il faut qu'on en discute avant. Tu vois du coup, au bout d'un moment, une sorte de petite murmure de décision dans le groupe qui commence à, parce que du coup, c'est ouais, mais et qui commence à se mettre sur le fait que des gens commencent à trouver un petit groupe commence à trouver un consensus, ça commence à faire un petit peu son chemin de, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enfermer un temps. Pendant ce temps-là, on prendra la décision réellement collectivement de ce qu'on va faire de lui. Alors, moi, j'ai envie d'agir, si tu me permets. En fait, donc je m'avance au milieu de la place, hein, là où on a traîné Marshall. Et je me pose devant, si j'ai bien compris, c'est le pilier un peu qui te maintient au sol, hein, Marshall. Ouais, je pense qu'il y a un costaud derrière moi qui m'a plaqué au sol et qui a un pied, qui a appuyé, appuyé ouais, derrière ça. Ma tête. Ouais, c'est oui, tu ne nous avais pas décrit un costaud qui s'appelait Billy Lafouine. Mais je vois plutôt un des deux rats qui. Billy Lafouine, ouais. Qui prend plaisir à la situation aussi. Les deux rats sont un peu plus malsains. Alors, c'est qui du coup qui maintient. Alors, c'est qui maintient Marshall au sol, Les deux rats sont connus pour être efficaces mais plus malsains. Ok. En fait, donc je m'avance dans toute ma nudité triomphante. Et je me campe devant le rat et je fais une action du coup qui s'appelle plonger son regard dans celui de quelqu'un sans ciller. En fait, je le regarde, mais tu sais, j'ai pas du tout l'air de le juger ou d'être méchant et tout, mais genre je m'interpose littéralement de tout mon volume entre lui et Marshall. Tu sais, je le fixe dans les yeux avec bienveillance, mais de façon à ce qu'il recule, quoi. À ce qu'il lâche et je lui dis, lâche-le. Ouais, tu remarques qu'au tout début, bon, il te regarde et puis c'est assez rapidement, en fait, tu vois, enfin, il retire son pied, il laisse Marshall sur le sol, mais il recule très clairement de quelques pas. De toute façon, là, la foule est, enfin, le reste de l'enclave est déjà en train de décider. Finalement, ça se voit que l'enclave a quand même de l'entraînement là-dedans, mais ils sont déjà en train de continuer à décider les tenants, enfin les détails de ce qu'ils vont être faits. Ouais. Je pose ma main sur ton épaule, Marshall, et je te dis relève-toi. Alors, avec ce contact physique, tu aperçois au travers d'une partie de mes vêtements endommagés ces mutations qui semblent gagner une partie de mon épiderme. Je relève la tête, je te regarde avec un air un peu troublé, et je me relève. Merci. Ouais, je te rends ton regard lentement, et après je prends la parole et je fais... Mais vous avez rien compris, vous vous comportez exactement comme le reste de la société. Pourquoi on vient de le prendre à voler? C'est parce que personne n'a rien voulu donner. Vous voyez pas qu'il crève de faim? Il est hors de question de l'enfermer. Il est hors de question de le juger. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner à manger. Et on va lui donner des habits. Et ce sera notre frère. Je propose que la scène se termine là. D'accord. Alors que Diane arrive dans l'assemblée et que certains de ses fidèles lui ouvrent la marche. Et on voit apparaître un air franchement hostile et réprobateur sur son visage. Ok, d'accord. Par contre, du coup, faut que je... À mon avis, alors, c'est pas dans le truc de démo, mais je sais que dans le jeu de base, il y a dès que tu commences à agir contre un acte, tu le lâches et tu le donnes à quelqu'un d'autre. Je vais pas pouvoir faire l'enclave cuir et... Oui, mais justement, je disais, on conclut la scène comme ça. Oui. Ah, d'accord, ok. Si ça te convient, bien sûr. Ça me va. Super. Avant qu'on enchaîne sur une nouvelle scène, est-ce que ça allait? Vous voyez bien comment ça fonctionne? Ouais, j'ai pas eu le temps de placer d'acte faible, mais... Ça va. Je crois que t'en avais... Ah, bon. Agir en se rendant vulnérable, peut-être en action normale. Ah. Ouais. Ouais, c'était ouais, ça. Ouais. Moi, j'avais vu un truc comme ça, je me suis dit, ah, ça doit être ça. Donc, on peut. Bah, à la rigueur, sentez-vous Voilà. libre de valider vos actes Oui. faibles après coup. C'est-à-dire que tu dis, ah bah non, finalement, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai joué, Tu bah vois, tu parce te mets au qu'en jeton, acte faible, tu as enfin. ne pas réussir à réagir et en souffrir des conséquences. Donc, pour le nouveau. Ouais, parce qu'effectivement, comme tu as été très passif, ouais, ça mérite bien un Oui, c'est jeton. ça. Ouais. Super. Ok. Si, est-ce que vous voulez faire une scène centrée sur Diane ou Moi, ça me va. J'ai éventuellement des trucs à faire après, donc. Du coup, qui est-ce qui va faire le cadre? C'est vrai que là, t'as pas toute la mécanique d'échange des cartes. Alors, du coup, ce serait peut-être une société, la société intacte Société ou le intacte meilleur. par rapport à Diane. Storm. Moi je veux bien, mais faut trouver un lien avec ce qui vient de se passer. Là Bah, c'est attends, on clair. peut. Alors après, je suis assez étonné qu'il soit pas dans la démo. Ouais, si Parce que. bon, si c'est moi qui fais la société intacte, Mais j'aurais vers quoi attends, partir. parce que sinon, en vrai, je suis assez étonné que ça soit pas noté dans le truc des démos. Normalement, tu peux totalement lâcher un acte en disant, hey, hop, j'arrête de jouer là parce que je peux pas. The way when, en fait. C'est ça. Bah, on a arrêté l'acte de toute façon, Oui, non? oui. Oui. Attends, excuse-je. C'est chiant. Bah après, ouais, Même idée avec on peut un continuer. Hein, petit hein, on peut, si tu as une idée pour la société intacte, vas-y, hein, moi je te suis. Ouais, bah ok, je vais tenter un truc alors. Je vais tenter un truc. Continuez, je reviens dans une minute. Une Ouais, question parce ça que roule. des fois je parle, mais je suis pas sûr que vous m'entendez. Est-ce que vous m'avez entendu parler tout à l'heure ou Bah, quand t'es intervenu avec la suture? Il y a quelques secondes, je disais que j'avais des idées potentiellement aussi pour le Maelstrom si jamais. Ah oui, bah vas-y, si t'as des idées, tu peux C'est y comme aller, tu hein. veux. Hein. Si moi j'allais faire Mais moi j'ai toujours, en fait moi j'ai toujours des idées, donc faut pas compter sur moi. Si t'as des idées, vas-y. Ça dépend de ce qui plairait le plus. Du coup, moi, ce serait plus rattaché à ce que disait du coup Bellefeuille sur le fait que des gens deviennent végétaux. Ah oui, ok, ouais. C'était plutôt ça que j'allais développer. Voilà. Ah ouais, bah si ça te gêne pas, j'aimerais bien du coup faire la société intacte versus Diane. En premier, D'accord. comme c'est plus directement rattaché. Ok. Du coup, Diane, est-ce que ça t'arrive de quand même de te promener en dehors de l'enclave, enfin dans les, au milieu des immeubles envahis par la forêt En T'es général, pas tout le temps entouré des tiens non, ou non, non, non, non. t'as des moments solitaires ou pas? Pour le coup, c'est pas tant Diane qui, enfin, Diane, par moment, des gens la suivent et lui ouvrent la voie, mais à aucun moment elle donne des ordres à ces gens. Donc très régulièrement, elle se lève et elle va jusqu'à quelque part. Ok, Ouais, ouais. Donc, c'est totalement du coup, c'est un moment. T'as un moment solitaire. T'es toujours dans la forêt, mais c'est en dehors de l'enclave, donc t'es seul. Donc t'es au milieu des immeubles qui sont desquels s'échappent des arbres aux feuilles bleu pétrole. Et donc c'est cette végétation qui a pris le pas sur tout quoi. C'est une végétation qui se nourrit de la pollution en fait. C'est pour ça qu'elle a réussi à prendre le dessus. Et t'entends en fait au loin, t'entends le jappement menaçant des pitbulls sauvages. Oh, ok. Mais en même temps, t'as aussi des choses belles dans la nature, quoi. Enfin, il y a déjà quand même un gros silence, quoi. La rumeur, en fait, la rumeur des immeubles qui sont encore habités et de l'autoroute, c'est vraiment très très lointain. Ça fait un petit bruit de fond, d'ailleurs. Quelque part, il est moins important que le bruit de fond de l'égrégore, quoi. De toute façon, je pense que Diane est en train de récupérer des plantes, des trucs à droite et à gauche, des cailloux parfois même. Donc, elle va rester, enfin, même si elle entend les bruits des chiens, elle reste à regarder plusieurs plantes pendant un très long moment avant de décider quelle feuille elle prend. Ouais. Et on entend aussi des oiseaux. Enfin voilà, c'est y a pas que des bruits effrayants, clairement. Et en fait, il y a un quad qui émerge à toute vitesse, quoi. Enfin vraiment, t'as eu à peine le temps d'entendre le bruit se rapprocher tellement il a tracé en fait dans les rues couvertes de lianes et de lierre, quoi. C'est un quad militarisé, hein. Clairement, avec, tu sais, une toile de camouflage forestier dessus. Et en fait, la femme qui conduit le quad, donc elle a une visière noire, tout ça, elle s'arrête juste devant toi. Et elle te. Comment. Elle te dit montez, le gourou veut vous parler. Qu'est-ce que ce nom du gourou t'évoque en fait? Qu'est-ce que tu te rappelles du gourou? Avant l'apocalypse, enfin, on est dedans, donc, puis on a Ouais. d'autant que Diane se souvienne, on a toujours été dedans, c'est juste que l'apocalypse a différentes apparences au fur et à mesure du temps, mais donc à l'époque, on va dire, où elle vivait plus dans la ville et plus avec les gens, elle faisait partie de plusieurs cercles, bah voilà, de religieux, de mystiques, comme j'ai dit. Elle a déjà entendu pas mal de gens qui se portaient des noms. Et il y a un type qui s'était appelé, il n'y a pas si longtemps que ça, le gourou, que elle-même, pendant un très longtemps, elle a cru que c'était, enfin, pour le coup, que c'était un type qui avait juste totalement perdu l'esprit. Mais il s'avère que pas mal des choses qu'il avait prophétisées se sont avérées vraies. Alors Diane s'en méfie toujours et elle s'est jamais rapprochée de quoi que ce soit. Elle sait pas ce qu'il est devenu. Mais du coup, ça la choque un peu. Enfin, ça la choque un peu. Pas vrai. C'est pas qu'elle est choquée, mais ça l'étonne que d'un seul coup ce nom revienne. Tu vois, il est face surface du tréfonds des enfers, quoi. Est-ce que tu montes Peut-être t'as Diane qui fait semblant de ne pas avoir entendu ni le bruit du quad ni quoi que ce soit et continue en fait de choisir très calmement les plantes qu'elle était venue chercher. Donc sans même avoir tourné la tête. Ok, ouais, tu le ghostes littéralement le quad. Ghosté hier, Donc la elle. nana baisse sa. Ouais. La nana baisse la visière, elle essaie de capter ton regard. Il y a un moment où le regard, enfin où les regards se verront, quoi, mais du coup, elle peut voir que Diane fait clairement pas attention, volontairement pas attention. Ouais. Elle fait. C'est une. Comment. Elle est typée hindoue, hein. La nana, donc tu vois, elle a un regard ardent, elle a un troisième œil. Peint sur le front, et elle fait Je m'appelle Ariana. Il faut vraiment que vous acceptiez de monter avec moi et d'avoir une entrevue avec le gourou. C'est vraiment très important pour l'avenir du monde. T'as Diane au bout d'un moment, vu que de toute façon elle ne pourra pas se débarrasser de la personne, se tournera vers la personne et sans dire un mot, en fait, s'approchera du quad, quoi. Elle sortira juste quelques Alors, becs j'ai. qu'elle a Ouais. pour lui tendre. Super. J'ai peut-être maladroitement insisté sur ta solitude, mais il est évident que les autres personnages peuvent intervenir s'ils veulent. C'était plutôt par rapport au PNJ, quoi. Je pense qu'on peut simplement avoir une vue panoramique et apercevoir au sommet d'un des immeubles écroulés la silhouette de D'entre vous. Marshall allongée avec une paire de jumelles en train d'observer la scène. Ah ouais, Ok, ça c'est nice. plutôt sympa. Et du coup, je propose qu'on peut même couper la scène là. Finalement, il ne s'est pas passé. Mais du coup, Diane va monter dans la voiture et la scène s'arrête sur Marshall qui a vu Diane partir. Ok, c'est-à-dire que tu tiens pas à ce qu'on joue tout de suite ou qu'on la joue du tout l'entrevue avec le gourou. Ouais, pour le moment, je préfère me laisser ce qui se passe, etc. Mais j'aime bien l'idée que Marshall a vu ça. Très bien. Ouais, ok, bah écoute, du coup, on clôture cet acte. Je me permets, alors du coup, j'ai aussi un de mes actes, c'est se jeter dans... Bon, je me suis pas jeté, mais dans une situation sans arme ni préparation, je la prends. Du coup. Ok, nice. Du coup, Tapis, tu veux peut-être justement amener ton idée là que t'avais? Bah du coup, soit avec... Bah du coup, maintenant que KZO est... On va faire dans la même temporalité, du coup. Bon, je crois que là, la temporalité est un peu cassée, mais c'est pas trop grave. Moi, je propose que je pense, si vous voulez faire des flashbacks, sentez-vous libre. Hein. Là, je le dis de manière méta, j'ai aucune idée si la deuxième scène qu'on a jouée, elle est avant ou après la première. Pas de problème. Allez, youhou. Et je trouve ça extrêmement cool comme ça, en vrai. Merci. Je pense que ça va être plus pour Diane, la scène qui se passe en fait, si tu l'acceptes. Ok, vas-y. Du coup, en fait, ce que je veux faire, donc, c'est répondre à l'instabilité. Il y a l'un de tes plus fidèles suivants vient te voir sur le côté en fait. Et il a quelques problèmes liés à la forêt. Donc il te raconte, tu vois, qu'il est très blafard, pâle, limite vert. Et il t'explique qu'il est allé dans la forêt, justement, là où il y a les décharges et les arbres ont envahi toutes les décharges de Détroit. Et du coup, il est allé chercher des matériaux pour l'abri. Et il a l'impression d'être infesté par quelque chose. Et au moment où il te parle de ça, ses yeux, il y a comme des trucs qui passent derrière son iris, comme une ombre. D'accord. Tu lui dis quoi? Tu fais quoi? Moi, je vois la scène qui se passe là où habite Diane dans l'enclave. Hein, du coup, elle va d'abord lui faire cuire un tout petit peu de nourriture, hein, quelques éléments, des extraits de feuilles. Puis elle va lui proposer, tu sais, enfin, elle va lui tendre sans parler, il n'y a pas de mots qui sont échangés. Puis elle va lui demander quelques éléments sur où est-ce qu'il est allé dans la décharge, pourquoi. Il peut se rendre compte que les questions sont toujours, tu sais, de plus en plus précises et un peu accusatrices quelque part, tu vois, d'un air de dire, enfin, ça s'entend le tu sais très bien qu'on n'a pas, qu'il ne faut pas aller là-bas, quoi. Ouais, mais est-ce que je peux intervenir? D'accord, attends, je dis juste ce qu'il te répond, et après tu peux intervenir. Ouais. Ça, donc, quand il est en train de manger ce que tu lui donnes, tu vois qu'il y a comme des racines qui se mélangent à sa langue dans la bouche. Il y a comme des pâtes végétales qui entourent sa bouche quand il mange. Et il dit qu'en fait, il est allé chercher des éléments nécessaires à la machine qu'a conçue Nils, mon personnage, pour toi justement, les casques qui permettent un autre mode de communication. Et là, tu peux intervenir, Belfeuille. Non, mais du coup, tu m'as coupé l'air sous le pied, donc c'est parfait. Comme tu... non, il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, du coup, pour le coup, je vais le faire comme ça parce que du coup, Diane va, enfin, se rend bien compte que ça se propage extrêmement vite, beaucoup plus que ce à quoi elle s'attendait, donc elle va juste. Enfin, tu vois, au moment où il lui dit « mais j'ai été chercher ça pour vous », etc., elle va lui dire « mais je me rappelle pas vous avoir demandé quoi que ce soit ». Et là, il commence à pleurer et à se sentir détruit parce qu'il a l'impression de s'être sacrifié pour rien. Et il dit « mais si, c'était important, c'est Nils qui m'a demandé que c'était un impératif, que vous lui aviez demandé ça, que c'était très important pour vous ». Et tu vois qu'il commence à te saisir et il y a des pores de sa peau s'ouvrent et se déchirent un peu et il y a comme des lianes, des racines qui en sortent. Je vais Je vais du coup dépenser le jeton que j'ai eu le coup d'avant pour. Il y a Diane qui va donc apaiser la souffrance ou la peine de quelqu'un, qui va tenter de le calmer, lui dire, c'est pour un pour qu'il la lâche, et puis elle va lui dire, ah, asseyez-vous, ça va passer, vous en faites pas. Enfin, tu vois, de manière très rassurante, hein, jusqu'à ce qu'il meure ou que quoi que ce soit se continue, quoi. Mais elle va allumer un petit truc pour mettre de la fumée, pour le forcer à se calmer, elle va lui faire manger quelque chose. Donc tu me dis s'il y a une... Alors, t'arrives à le calmer parce que justement, comme il est passionné... Oui, tu veux dire quelque chose ? Tu me dis, vas-y, parce que... Vas-y. Non, mais du coup, là, tu vois, il est en train de devenir de plus en plus blanc, et d'un coup, il se fige. Il ne bouge absolument pas, et il y a du sang qui dégouline de sa bouche, et il y a une partie végétale qui sort, et en fait, tu te rends compte que c'est sa langue, et il bouge plus du tout. D'accord. Donc du coup, je voulais juste continuer la scène, parce que du coup, Diane, après, va juste vérifier qu'il ne bouge plus, va lui fermer les yeux si c'est possible, ou mettre quelque chose devant ses yeux. Mais après, va sortir le corps devant, et puis va appeler certaines personnes, tu vois, il va commencer à dire... voyez les conséquences lorsqu'on n'écoute pas les conseils, lorsque l'on s'aventure, elle était très très rassurante le temps qu'il parte, mais à partir de maintenant, elle sert de lui comme un mauvais exemple. Elle fait même exprès de ne plus prononcer son nom. Mais de ce que tu vois, il est toujours vivant, mais il est figé. D'accord. Bah, elle le fait quand même, du coup. J'ai une question. Quelle est l'expression du visage d'ange qui voit cette scène lorsque le corps est traîné à l'extérieur? Du coup, ça peut... Alors attends, l'expression du visage d'ange, bah, c'est une super question parce que justement je voulais réagir. La peine se lit sur mon visage parce qu'on a perdu l'un des nôtres et je veux qu'on perde personne. Je suis là pour protéger tout le monde, toute l'enclave. Vous êtes tous mes amours, quoi. Vous êtes tous les personnes de ma vie, quoi. Et donc là, je vois ce qui s'est passé et tout. Et donc, quitte à éventuellement m'attirer l'animosité de Diane, ce sera à elle d'en juger. Je vais au pied de, donc, du cadavre et je le prends dans mes bras, tu vois, et je lui embrasse le front, je lui caresse les cheveux, enfin, je suis vraiment dans le care, quoi. Et à ce moment-là, je vais faire un acte faible, si vous me permettez. Je perds temporairement le contrôle de mes dons psychiques. Donc, mes dons sont récolte des mémoires ou rêves partagés. Donc, si quelqu'un veut me proposer un truc pas cool qui se passe avec mes dons psychiques, à ce moment-là, au moment où je touche le cadavre ou au moment où je regarde Diane, l'un ou l'autre... Bah, je pense que au moment en fait où tu le touches, tu absorbes une partie de sa terreur. Mais vu que ça a été acté en fait, qu'il n'est pas mort, donc il a entendu la réprimande de Diane. Ah oui, autant pour moi, j'ai cru qu'il était mort. Et... Bon. Non, bah c'était encore plus atroce. Coma, quoi. Mais du coup, tu, en fait, Ange va recevoir en fait toute, enfin va revivre ça comme si c'était vivait lui-même, comme s'il s'était retrouvé montré publiquement. À servir de contre-exemple pour la communauté, mais pire que ça, quoi, sans pouvoir se défendre, sans pouvoir se protéger, sans pouvoir rien du tout, quoi. Du coup, je pense que très clairement, c'est... Mais sauf que Ange, lui, peut réagir, quoi. Donc, du coup, il peut parler, il peut très bien hurler ou pleurer, selon comment. Ah, là, je pense que je tombe en PLS et tout, ouais, je gémis. En me prenant la tête dans les cheveux, mes belles ailes d'enchant toutes froissées. Est-ce que ça fait remonter un souvenir? Ouais, c'est une question pour moi. Ouais, ça me fait plonger dans une espèce de vortex d'égrégore et de mémoire, quoi. Je plonge dans une espèce de tunnel de racines. Et je suis. Comment je sors du bureau. Et en fait. Je viens de révéler à mes collègues mon homosexualité et ça s'est ultra mal passé. Et je suis désespéré, j'ai l'impression d'avoir aucune place dans ce monde. Dehors, il pleut à torrents, une pluie bleu pétrole. En fait, je suis tellement déprimé que je marche sous la pluie sans même essayer de me protéger, tout ça. Et je vois effectivement, et là, je te vois en fait, Marshall, courir. Courir sous la pluie, quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a cet événement terrifiant qui nous a bouleversés tous les deux. Je vais être un petit peu taquin, je m'arrêtais là. D'accord. Si on reprend la scène, j'aimerais si on reprend la scène où du coup là c'était ce que tu avais, ce que tu pensais, c'est ça? Oui, Enfin, ce c'est qui si, revient en ouais, tout à mémoire. fait, ouais. Parce que du coup, ça te revient en mémoire et lorsque tu reviens un petit peu, tu vois en fait que pendant que tu étais littéralement en crise, tu as certaines personnes qui sont approchées de toi, mais tu as Diane qui a fait signe aux gens de rester à l'écart et qui, globalement, tu t'en rends bien compte, on a profité de la situation un peu pour mettre en garde, pour tout le monde de enfin pour dire pour mener dire aux gens d'arrêter, enfin tu vois, pour étaler un petit peu toutes les menaces qui existent, toutes les peurs qu'il devrait y avoir à droite et à gauche, enfin qui littéralement a exploité cette situation. Du coup, je te pose la question, vu que c'est une action faible, mais quand ton personnage revient à lui et qu'il voit tout ça, qu'est-ce que ton personnage pense de Diane? Lui qui aime tout le monde normalement. Eh bien, en fait, je pense que Diane est aigrie parce que elle devient méchante et aigrie et en recherche de domination parce qu'elle manque d'amour, et notamment d'amour inconditionnel. Et donc, ce soir, j'ai décidé d'aller la voir et de lui proposer toute l'affection qu'elle pourrait accepter de ma part. D'accord. On verra peut-être plus Ça tard. roule. Ça me va de couper. Ouais, pardon, vas-y. Super. Ça te va si on voit pour le jouer plus tard Ah cette oui, j'ai dit situation oui, j'ai éventuellement? dit oui. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a une idée pour enchaîner quelque chose? Moi, je Moi, je sais pas, poserais maintenant que bien tu une penses. scène pour Suture Nils. Ouais, on n'a pas encore eu de scène centrée sur Nice. Oh, puis avec les pénuries, ça a bien matché. Nils, t'es dans ce qui te sert d'atelier, laboratoire, salle d'opération, où j'imagine que tout un bric-à-brac est entassé. Vraiment un ensemble de pièces hyper hétéroclites. Quelqu'un vient de sortir de ton local hein, en exigeant que tu fournisses dans les meilleurs délais une machine qui permettra en fait de creuser dans la tête des gens. Creuser dans la tête des gens, métaphoriquement ou Oui. d'accord, ok. Je pense que c'est une époque où ta crête était encore assez courte. Une époque où tout n'allait pas encore trop mal, on arrivait encore à se fournir en reliques technologiques, en énergie électrique, en choses comme ça. J'aimerais bien qu'on mette en scène la discussion que tu as eue avec cette personne. Et je ne sais pas qui c'est, à toi de me le dire. Bien, c'est mon ex-amant. qui est un proche de Diane et qui veut faire ça pour un projet qui m'est secret mais qui tourne autour sans doute de rituels cachés. Genre, voilà. Du coup, moi je lui dis que c'est pas possible, je peux pas faire ça. Tu te rends compte pas les, quand tu te rends pas compte du peu de matériel qu'on a. Ça veut dire que je serais obligé d'aller à l'extérieur pour trouver Si plein de matériaux technologiques. C'est pas faisable ce que tu me demandes. je m'en rends tout à fait compte, et tu sais très bien que ce n'est pas évident d'avoir tout ce matériel. Je sais que tu as récupéré beaucoup de choses la dernière fois que tu t'es rendu dans la secte du gourou. Aujourd'hui, avec tout ça, tu peux rendre service à notre communauté. Tu peux permettre que, enfin, pour une fois, on s'élève au-dessus des autres. Hein? Tu peux pas me demander ça à moi. J'ai déjà trop de blessures. J'ai trop souffert déjà pour aller chercher des matériels dont les gens avaient besoin pour leur survie. J'arrête pas de passer mon temps à mettre les mains dans la merde, dans le sang et diverses humeurs. Là, tu me demandes trop. Là, je peux pas. Là, Est-ce... je vais craquer. Et J'ai tout. une petite idée. Je voudrais bien intervenir avec mon cadre à moi, mais dans cet acte-là, pour proposer quelque chose à Nils. Hein. Si tu... Ok. Vas-y. Alors ça se passe plus tard. En fait... Et la Pardon? Ouais, société, c'est je joue la ça? société, ouais. Et en fait, on enlève un sac noir de ta tête et donc tu te réveilles à l'intérieur d'un comment d'un Hummer, tu sais les espèces de gros camions militarisés là, qui est quelque part garé sur une autoroute toute pourrie, envahie par la forêt, avec des pubs pour McDo complètement couverts de mousse, les visages, tu vois, comment les visages de consommateurs de burgers sont tous déformés. Alors c'est bizarre parce que la déformation, c'est difficile de la lier uniquement, tu sais, à la pourriture de l'affiche, quoi. C'est comme si littéralement le dessin s'était déformé, quoi. Ils ont presque l'air de monstres tout en mangeant leur burger. C'est ce que tu vois à travers les verres fumés du Hummer. Et à l'intérieur du Hummer, eh ben, t'as l'impression d'être quelque part à Bombay. Enfin, il y a plein de tapis, il y a des grosses vapeurs d'encens, et donc dans un sari, oui, un sari, dans un sari blanc, tout enturbanné, en face de toi, te regarde, te fixant avec son profond regard de brahmane, il y a le gourou. J'ai une question pour toi, c'est est-ce que t'as été traîné de force devant lui ou est-ce que t'as accepté l'invitation de ton plein gré? J'ai été traîné de force. Et là, j'ai très mal Ok. au bras. Je pense que c'est pas fait par pure gentillesse. Par terre. Le gourou a des manières très douces. Il te propose du thé. Et il dit Je prends le trait et je le recrache en paillettes. je regrette vraiment les méthodes de mes hommes et je regrette d'avoir suivi toute cette opération depuis trop loin. J'aurais dû m'impliquer davantage et permettre que les choses se fassent dans l'humanité. Je regrette aussi que visiblement avec Diane, vous ne vous êtes pas compris. Ou peut-être que je ne me suis pas bien compris avec Diane. Vous et où sont mes livres? Ah oui, on lui a piqué les livres. On t'a piqué tes livres, c'est ça? Ou c'est un truc que tu viens de me sortir? Ouais, Voilà, je ouais. viens de m'inventer, mais on m'a volé mes livres. C'est là où j'ai Tiens, toutes mes connaissances. en tant que gardien des pénuries, je peux te dire que tes livres t'ont été volés il y a peu, lorsque tu as rejoint la communauté déviante. Vous. Alors, je ne sais pas où sont vos livres, mais j'ai énormément de pouvoir et si vous en avez besoin, je ferai le nécessaire pour que vous les récupériez et bien plus encore. J'aimerais lui donner un caractère à la fois respectueux de certaines traditions et un peu guindé, et en même temps, il est clairement phobique à l'égard de cette communauté Le queer. gourou? Ouais. Ouais. Bah du coup, ça doit se sentir notamment par le fait que il a des très bonnes manières, mais il a l'air d'être très incommodé par ton odeur. Et il détourne ses yeux, notamment de. Enfin, quand il te fixe, il te fixe trop profondément, mais c'est pas. C'est un peu comme pour établir une domination, même si ça contredit ses paroles très douces. Et il évite de regarder les parties les plus sales de ta personne, notamment tes mains graisseuses. Il fait. Vous savez que le monde va mal. Le monde va mal et c'est à cause de l'égrégore. Et en fait, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de l'aide de Diane et de votre aide. Il faut absolument que vous conceviez cette machine pour qu'on puisse empêcher le mal de progresser et qu'on puisse empêcher le monde de sombrer dans la folie. Et je me suis renseigné et tout. Et effectivement, il vous manque quelque chose pour accomplir la machine. Mais moi, je vais vous dire, c'est très simple. Il y a quelqu'un dans votre communauté qui s'appelle Ange. En fait, c'est lui la pièce qui manque. Oui. Si vous... comment? Pas sûr Si, de eh comprendre bien, où en vous fait, il voulez faut en que... venir. On a pesé le Vous pour et le voulez contre, à... mais je vais vous demander, en fait, de... Si vous comment? Si vous intégrez le cerveau d'Ange dans la machine... Certes, vous aurez sacrifié une personne, mais ça vous aurez pu créer la machine, cette machine qui va permettre de sonder les esprits des gens et de nettoyer l'égrégore, en fait, et d'empêcher que le monde sombre. Je fais ça de façon très intéressée, comprenez-vous, et j'ai vraiment beaucoup de peine à l'idée qu'il faille sacrifier une personne, mais en fait, on n'a pas le choix, c'est pour en sauver des millions. Ange, c'est pas le genre, enfin, c'est pas une simple personne, c'est. À la vie, on rencontre ce genre de personne qu'une seule fois et on peut se tester Bah, des chances. considérez que nous avons, Dites, enfin, nous avons tout autant le péril. d'estime pour lui que vous. Enfin, pour nous, c'est déjà un martyr, un saint, quoi. Ça en a pas Non, bah, l'air, si, vu comment justement, on vous en en parlez. parlera comme de celui qui nous a tous sauvés. C'est sa bonté qui est l'ingrédient qui manque à votre machine. Là, tu vois, Neil, c'est un peu en crise d'angoisse, il sait pas trop quoi dire. Mais comment, par quel miracle, vous pensez que je peux vous faire confiance? Eh bien parce que j'aurais pu vous forcer, j'aurais pu éliminer Ange, j'en ai les moyens financiers. Et j'ai des hommes qui me sont dévoués corps et âme. Mais je préfère vous laisser le choix. Je préfère que vous compreniez par vous-même, quoi. Je veux dire, je fais ça pour que les gens soient libres, et donc il est hors de question que je vous contraigne. Attendez, je suis en train de réfléchir. Comment on pourrait essayer de faire ça sans douleur? Ah bah vous Et pouvez le bon, faire sans c'est douleur, un oui, bien constat pour sûr. moi, mais bon. Je peux vous fournir le nécessaire, quoi. Il faudrait. Écoutez, j'ai un plan. Il y a une seule chose. Ange n'est pas quelqu'un très simple à cerner, que ce soit mentalement ou même physiquement. L'attraper, entre guillemets, pour. Voilà, il faudrait peut-être une sorte d'appât. Ce que je dis n'aurait pu, qu'on soit bien d'accord. Il faudrait qu'il soit face à quelqu'un. Qui a besoin d'aide. Là, à partir de là, peut-être en le mettant dans un état second, on pourrait pourrais l'attraper et faire ça sans douleur, mais je pense que là-dessus, le gourou sort une photo assez ancienne et te la tend en disant on a un moyen de pression sur Ange. Et là, il te tend la photo de son frère. C'est son frère. Il sera mis à votre disposition. Ou il est à votre disposition. Je ne sais plus du tout où on est. J'ai pas la moindre idée. Je crois qu'on fait des allers-retours. J'ai une question pour toi, Bellefeuille, parce que c'est la deuxième fois que tu parles de frère. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Ange et Marshall ou pas du tout? Moi, dans ma tête, oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ça en fait, pourrait être cool que... parce que tu avais parlé de ton frère quand tu as parlé du premier flashback, tu as parlé de ton frère sous la pluie. Oui. Est-ce que justement la photo qui montrerait, ce serait pas une photo de toi plus jeune en fait? Mais on est peut-être deux sur la photo. Comme tu veux, comme ça t'es là. Ouais, voilà, c'est ça. Rangez-moi. Ouais. Donc du coup, moi très plus... bien, bon, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà, c'est vrai, parce que moi aussi j'avais compris ça avec tous les sous-entendus. J'avais compris que c'était ça qui se passait. J'ai une scène que j'aimerais bien proposer justement à Marshall. On peut peut-être arrêter l'acte ici, qu'est-ce que t'en penses, Bellefeuille? Parfait. Pour info, j'ai regardé un petit peu, je pense que je le peux. Okay. Bah, je vais faire une scène assez rapide. Bah, y a Diane quand même qui va être dedans, mais du coup, pour le coup, cette scène, on saura temporellement où elle est, vu qu'elle est fatalement après que Marshall a été intégré ou nouveautisé dans la société. Vu que Marshall est actuellement chez lui et y a quand même des gens qui surveillent. Tu vois que même si visiblement les paroles d'Ange ont eu un petit peu leur écho et que qu'il y a encore des délibérations, mais globalement, tout le monde est d'accord pour te laisser la chance. Tu as quand même des gens qui te surveillent, et puis là où tu es, tu t'entends que ça toque à ta porte. Eh bien, entrez. Donc, tu as ce qui semble être l'un des suivants de Diane qui ouvre, et tu vois qu'il y a deux, trois autres personnes hein, parmi les gens qui suivent Diane qui sont là. Mais c'est surtout Diane seule qui rentre, qui fait un signe pour demander si elle peut rentrer. Je lui renvoie son signe en l'invitant à entrer dans la maison. Enfin, dans la cabane plutôt. Du coup, elle te remercie. Elle pose quelques questions basiques. Tu vois qu'elle a un panier dans lequel elle a de la nourriture, qu'elle semble être venue t'apporter, qu'elle te propose d'échanger. Je pense qu'elle lit sur mon visage immédiatement une expression un peu de méfiance. C'est du coup quand elle voit que tu as cette réaction, elle dit vous avez raison d'être méfiant. Et du coup au bout d'un moment, il y a des grands moments de blanc hein, très clairement pendant qu'elle te tend quelques trucs à manger ou qu'elle utilise un élément de la cabane pour faire cuire quelque chose. Ouais, de toute façon, mais Marshall est quelqu'un pas spécialement volubile, donc... Et il y a toujours son petit jeu de petites paroles, elle te demande, alors comme ça, vous êtes un ancien soldat Bon, où est-ce que vous voulez en venir? Du coup, au bout d'un moment... Je sais que vous n'avez jamais pu me saquer. Elle se tourne vers toi et elle fait, ce n'est pas vous, c'est ce que vous représentez comme menace. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour la communauté? La communauté m'a recueilli malgré ce que j'ai fait. Maintenant, la communauté, je la défendrai de mon mieux. C'est en se serrant les coudes qu'on s'en sortira. L'extérieur est hostile. Encore plus que vous ne l'êtes entre vous. T'as Diane qui dit, je suis ravi de voir que nous sommes d'accord. Et elle te sort une photo qui, sur la photo, on voit que c'est le gourou. Est une grande menace pour la communauté. Vous êtes un ancien soldat. Vous pouvez faire quelque chose contre lui. C'est qui cet homme-là? Un homme qui pense qu'il a tous les pouvoirs et qui peut tout se permettre. Vous me demandez d'aller tuer quelqu'un que je connais pas? Elle sourit un peu en disant « Vous avez de la chance de ne pas le connaître. » Et oui, c'est ce que je vous demande. Personne ici ne bougera, personne ici ne fera quoi que ce soit. Tout le monde ici est trop occupé à attendre que le malheur arrive pour commencer à agir quand il y en a besoin. Vous êtes encore nouveau. Peut-être que vous comprendrez qu'il y a des moments où réagir, c'est trop tard. Je sais que cet homme a déjà fait du mal à la communauté, je sais qu'il est capable d'en refaire. Je suis convaincu qu'il complote actuellement quelque chose. Je me lève. Je m'approche d'elle. Je la toise, parce que je suis quand même un gabarit bien plus imposant qu'elle. En échange de quoi je ferais ça? Qu'est-ce que tu vas me donner pour que je fasse ce que tu veux, sorcière? C'est... Du coup, elle se lève tout simplement et elle te... avant de sortir, elle dit « Votre pas est chaud. » Ok, la porte se referme. En fait, j'ai comme un vide en moi, une sensation un peu inexplicable et j'ouvre un petit peu les boutons de ma chemise. J'ai comme une sensation de bien-être au niveau de la poitrine. Comme si le mal qui me rongeait depuis quelque temps était en train de légèrement se résorber. Je vais ouvrir la porte et courir à sa suite, l'attraper par le bras, la plaquer contre moi, la regarder fixement et « Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous pouvez pour moi ?» Clairement, au moment où tu as un contact physique, c'est la première fois qu'on voit Diane qui a une réaction extrêmement violente. Elle t'agrippe la main comme si elle voulait te l'arracher, elle te la griffe et elle se met à hurler. Je pense que je tombe à genoux, en fait. Le monde tourne autour de moi et je sens comme une énergie qui m'envahit depuis le sol et qui pousse en fait, qui pousse à l'intérieur de mon être. Et mes muscles se raidissent, gonflent et des ramures commencent à traverser mes chairs. En fait, exactement de la même manière que ce qui s'est passé la première fois que quelqu'un avait été en contact avec elle. Et je sens ma nuque qui enfle. Je sens mes muscles qui se dédoublent. Je suis en train de me déformer et mon corps n'est plus ce qu'il était. Et je me transforme petit à petit en une espèce de créature volumineuse et qui n'a pour seul objectif que de répondre aux ordres de sa maîtresse. Je vais quand même volontairement. Est-ce que quelqu'un veut récupérer l'enclave parce que au vu de la réaction, je peux pas la rejouer. Ouais, alors c'est moi je voulais fort réagir à la fois avec mon cadre et puis avec mon perso. Alors c'est chaud. J'ai laissé Marshall parler et puis du coup il faut que je trouve un truc. Ouais bah en fait ouais si voilà comment j'ai fait la chose. J'arrive avec Ange arrive. J'utilise mon pouvoir avec un jeton là, avec mon jeton et je t'envoie des souvenirs de nous quand on était frères, des beaux moments qu'on a passés ensemble pour te faire réhumaniser un petit peu quoi, ouais, pour me calmer, en fait. Un petit peu inverser ta mutation. À toi de me dire si ça marche ou pas. Et ensuite, je prends je prends Diane dans mes bras pour l'apaiser en fait, lui dire que ça va aller et que vous n'êtes pas ennemis et vous n'êtes pas non plus Vous êtes que Bah, tu tu n'es pas son maître, il n'est pas ton maître, vous êtes égaux, enfin, et je vous aime tous les deux. C'est quand. Quand, je ne sais pas si Ange le voit ou le comprend, mais en tout cas, quand il s'approche de Diane pour la prendre dans ses bras, très clairement, Diane le bouscule. Je voulais savoir, est-ce que Ange a la capacité à déclencher un acte fort qui permettrait de calmer la rage qui Bah m'anime? oui, enfin concrètement, comme acte fort, j'ai utilisé mon pouvoir psychique qui est porteur de mémoire là. Donc, mais après, c'est vrai que le jeu dit pas trop si. En fait, finalement, ça reste toi qui choisis comment tu réagis. Moi, l'acte fort me permet juste d'utiliser mon pouvoir psychique sans me rendre vulnérable. Mais en fait, il dit pas si ça fonctionne sur toi, donc c'est à toi de choisir en fait en fonction que tu veux faire un acte normal, un acte faible. Enfin, tu vois, c'est à toi de choisir ta réaction, quoi. D'accord. Ben, moi, je pense que je suis plutôt toujours en faiblesse et toujours Sous l'emprise de. sous le pouvoir Ouais. de Diane et que je commence à avancer plus ou moins en rampant ou un peu comme un reptile végétal qui se déforme au fur et à mesure de son avancée et je prends la direction de la région, enfin du secteur de la ville où habite, je le sais, je le sens, le gourou. Et alors que j'approche de l'extérieur de l'enceinte de notre enclave, je propose que Nils surgisse dans la rue devant moi. Pour t'arrêter, du coup, je suppose. Ah, ça, je sais pas. C'est toi qui décides. Ouais, bah attends, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je regarde un peu les actions que j'ai. Okay. Je crois qu'on va être surtout Ouais, bloqué bah par du le coup, temps. enfin là, c'est la dernière scène, J'imagine hein. bien. C'est Ouais, enfin, bah. c'est la toute dernière scène, quoi, hein, grosso modo. Moi, je voulais te voir en fait en priorité, mais en fait, Diane m'a devancé sans doute. Et j'arrive en voyant ça, je suis terrorisé, je sais pas quoi faire. Du Parce que coup, tu me reconnais à peine en fait. peine et du coup, je fais une action faible. Du coup, je n'arrive pas à réagir et très probablement, tu me roules dessus ou je sais pas comment dire. Ouais, Il peut juste passer, hein, Moi, il peut passer sans que tu sois capable. vague, tu vois, qui D'accord. m'immerge et je rentre dedans, tu vois, et je deviens une composition de ce truc. T'absorbe en fait. Et donc du coup pendant que ce qu'il peut y avoir en dernière phrase c'est éventuellement s'il y a vous deux enfin la créature qui est vous deux qui part en direction de chez le gourou il y a juste Diane qui regarde Ange et je sais pas comment il réagit à tout ça. Juste dernier truc, j'ai réflexe de jeter mes livres sur le côté que je porte toujours à ma ceinture. En me disant que je meurs, mais ma connaissance ne mourra pas. Voilà. Du coup, pour répondre à ta question, Diane, je me retourne vers toi, je te dévisage très rapidement, mais malheureusement, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Et je cours pour essayer de rattraper mon frère qui va très vite. Et en fait, pour essayer de gagner du temps, je saute par-dessus un ruisseau qui court à travers cette ville de Détroit où on sait même plus que c'est une ville, tellement il y a de la forêt partout, quoi, là où on est, quoi. Et je saute au-dessus de la rivière comme ça, tout nu avec mes ailes d'ange, et on dirait que je suis en train de voler. J'ajouterais que la pluie commence à tomber comme dans nos souvenirs avant que le drame et que Okay. l'apocalypse ne survienne. La pluie Et au bleu je pense qu'on pétrole, peut ouais. s'arrêter là, Très bien. éventuellement. C'est ça. Super, donc déjà merci beaucoup d'avoir joué. Alors, il n'y a pas de technique de debriefing proposée dans le kit d'intro de Dream Ask You. Donc, je voulais vous proposer, moi j'ai ma propre routine de débrief que je voulais vous proposer. Donc en fait, on va répondre Écoute. simultanément, enfin, je fais un tour de table avec trois questions. La première question, c'est comment vous sentez-vous? De quoi avez-vous besoin? Vais dans l'ordre N'importe qui les commence? feuilles. Je me sens très bien et je suis dispo pour discuter. Très bien, avec plus d'énergie qu'au début, donc c'est bien. Voilà. Ouais, moi, ça va, je suis... Je pense que j'aimerais juste qu'on parle du coup peut-être de la fin, de ce que tout le monde a compris. Tu veux qu'on en parle maintenant ou après le ouais. D'accord. Pas fatalement. Les deux autres questions. Bah moi je me sens bien. Je suis content d'avoir eu mon shoot rôliste. Ça faisait un petit temps là, que j'avais pas joué. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez envie de parler d'une des scènes qui a été jouée enfin, juste pour dire cette scène-là était cool ou pour en parler plus dans le détail. Moi, je pense qu'il y a plusieurs scènes dont j'aimerais parler. Moi, j'ai bien aimé la scène où en fait tu prenais le mec qui était à la fois mort et vivant. En arbre, je trouvais ça cool, je trouvais ça touchant. Tu parles d'ange. Scènes, je n'ai pas trop bien compris. Sur le disciple de Diane là qui s'est sacrifié pour rien et Diane on avait rien à faire etc. Et que toi tu reviennes. Moi j'avais trouvé cette scène cool. Après je pense que je parlerai d'autres scènes. Il y avait un truc que je voulais tenter en fait. Je pense qu'on n'a pas très bien compris mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je pense que je reviendrai sur d'autres scènes, okay. Mais je dis juste que celle-là m'a bien plu. Bellefeuille ou Casseo ? Pour moi, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de scènes qui m'ont plu. Alors, c'est peut-être un petit peu hâtif de déjà rentrer dans ces remarques-là, mais moi, j'aime beaucoup les constructions comme ça, où il y a des flashbacks, où ça part dans tous les sens, où il y a une grosse zone floue par rapport au sens de l'histoire. Et où on... Oui, et puis même au symbole ou voilà et qu'on essaie de trouver une cohérence en y travaillant tous ensemble mais sans l'expliquer et on était dans l'exercice là alors on l'a plus ou moins atteint je pense pour ma part mais j'ai beaucoup aimé en tout cas la ouais, j'ai aimé les initiatives que vous avez prises là, en demandant des cuts en demandant à finir des scènes abruptement notamment la Casseo qui a pas voulu qu'on joue la scène avec le gourou déjà c'était pas mal vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps et puis effectivement ça participait à cette narration éclatée ouais. Bah ouais clairement les premières narrations ont amené très vite sur de la narration éclatée donc moi, je me suis dit, allez, autant profiter, vu que de toute façon, ça va être ça, autant profiter du flou que ça apporte. Ce qui est amusant, parce que du coup, c'est... En fait, j'ai l'impression d'avoir joué mon personnage avec un jeu intérieur très différent, ce qui fait que je suis convaincu que j'ai pas du tout... que si je devais expliquer moi ce qui s'est passé depuis mon personnage, c'est absolument pas ce qui s'est vu dans la fiction. C'est parce que tu sais, il y a plein de moments où je me suis dit, hey, j'ai pas précisé un détail que je visualisais autre qui change un peu le sens de la scène. Et je me demande notamment, si ça j'ai l'impression qu'il y a un gros flou sur tes motivations. Si en fait. J'ai la sensation que tu voulais protéger malgré tout la communauté, mais. Bah en fait c'est un peu ce que j'avais vu. J'avais Diane comme un personnage qui voulait protéger. Avec cette histoire du gourou, je me suis dit en vrai il y a une menace à l'extérieur et elle est là. Et en vrai concrètement, t'as Diane qui dit je suis la seule personne qui fait attention quoi. Je suis aussi un peu influencé. Je l'ai pas dit au début, mais t'as des questions sur les playbooks. Et du coup il y a littéralement moi la question de la torche, c'est quelle est choisissez une. Est-ce que vous seul êtes au courant et que personne d'autre ne fait attention? Du coup, ça a beaucoup, beaucoup orienté. Alors moi, par contre, j'ai emballé sur la fin parce que je sentais qu'on n'avait plus le temps et donc j'ai accéléré les choses pour essayer de créer une scène un peu punchy pour terminer. Mais je trouve quand même que dans l'ensemble, c'était trop hâtif et qu'une partie deux fois plus longue aurait été nécessaire. Surtout avec le temps quand même de construction au début, je crois qu'on a bien mis trois quarts d'heure à 50 minutes même pour lancer. Donc après une heure de jeu, c'était vraiment court. Alors autant c'était intense, mais je pense que sur deux heures, on aurait pu faire quelque chose quand même de plus profond, quoi. J'ai chopé le bouquin à un moment pendant qu'on jouait de base parce qu'il y avait des questions que je me posais sur la structure, vu que là c'est le PDF de démo et il conseille des parties de 3-4 heures le livre, du coup. Ouais, il me semble. Ouais, voilà. 3 heures, ça te dit, c'est bien. Plus consistant. Oui, c'est évident que le jeu a du coffre pour des parties de 3-4 heures, hein, tout à fait. Moi, je suis. Bon, je dois faire avec mes contraintes. Voilà, donc on a juste un aperçu du jeu, c'est évident. Hein. Alors, attends. Donc, Bellefeuille, tu nous as dit une scène, je crois. Je sais plus. Ouais. Oui, moi, il y en a un paquet de scènes qui m'ont plu, en fait. J'ai pas une scène en spécifique qui m'est beaucoup plus marquée que les autres. Okay. Voilà. C'est plus général, quoi. La manière dont les scènes se sont succédées, alors, ça m'a beaucoup. J'ai une dernière question. Bon, Bellefeuille a plus ou moins répondu, mais peut-être qu'il faudrait répondre à autre chose. C'est si vous deviez rejouer, qu'est-ce que vous feriez différemment, quoi? Moi, je prendrais plus de temps. En fait, c'est juste ça. Moi, je pense que je prendrais plus de temps. Je pense en fait que je vais rejouer en reprenant, en reprenant Milvo comme aspect apocalyptique, et que je vais le proposer à des amis et en prenant notre temps pour justement éventuellement avoir peut-être plus le temps de dérouler ce qu'on a dans notre tête sur certains éléments, ouais, sur certains trucs. Je suis en train de me dire qu'un Milvo Dream Ask You, ça matcherait bien avec Orient. Parce que tu as des questions du peut-être, coup, oui. Type PBTA, oui. Des questions orientées que tu peux piocher pour comment alimenter le jeu. Et puis tu as une galerie de photos de personnages qui peuvent aussi. Y a un certain nombre qui sont assez cuir, justement. Je pense que ça pourrait être une aide de jeu intéressante. Si je devais jouer sur table, j'utiliserais certainement Orient en complément. Alors, moi, je sais pas si les problématiques queer, elles sont ressorties souvent. Alors, par moments, c'était évident, mais je sais pas comment vous l'avez ressenti. Est-ce que vous trouvez que ça a été assez évoqué ou non, quoi? Ça ressemble aux parties que je fais avec. Je suis un peu resté sur ma faim, sur ce point-là, ouais. Très sincèrement, je trouvais que quand Thomas avait. Ouais, tapis, allô. Allô. On t'a perdu, tu. D'accord, cassé. Ouais, tu trouvais que. Et ça a coupé Le personnage de Thomas se remémorait de son coming out, etc. Oui. Je trouvais que ça faisait très élément rajouté. Sur le moment, ça m'avait un peu ça. Enfin, j'avais pas forcément l'impression que le jeu nous aidait à nous guider vers des trucs queer. Voilà. En fait, là je vais poser un peu. Moi, c'est pas difficile. Enfin, le jeu a déjà un setting queer en fait. C'est-à-dire, enfin, ça va être stupide à dire, mais la société intacte, c'est pas dit explicitement, mais c'est très sous-entendu que c'est la société hétéronormée, c'est la société des dominants, c'est la société des gens qui ont la thune. Oui, c'est la norme. C'est la norme qui est encore là, quoi, qui est peut-être qui commence à être dans la merde, mais qui est encore là. Donc, on a juste, en vrai, Dream Ask You est pas un jeu queer, est un jeu queer dans ses mécaniques et dans la manière dont il permet de trucs, mais en vrai, c'est juste un. Là, en l'occurrence, il y avait des personnages queer dans le monde. Si je dois plaider coupable, je m'en veux un peu pour mon personnage du gourou qui s'est retrouvé à être la menace principale parce que du coup, clairement, c'était une instance normative, tout ce qu'on veut, machin, dominante, mais finalement, ça avait pas du tout, ça avait rien à voir avec des problématiques queer, par exemple, quoi, et ça a un peu polarisé le jeu. Je suis pas d'accord. La pression extérieure d'une puissance normative dans laquelle une communauté doit faire face et du coup se retrouve à s'entre-déchirer pendant que le gourou est totalement tranquille sur son siège, problématique pas queer en fait. Le nom de communauté queer qui s'entre-déchire parce que en fait on n'a pas les moyens d'aller pourrir ceux qui nous pourrissent réellement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Tapis Virginia, je pense que, alors, tu corriges Thomas si je dis des bêtises, mais je pense que toi, tu as voulu justement, comme tu disais, tu étais un peu en. T'en voulais plus, quoi, en termes de thème. Tu as été plus explicite dans certaines de tes scènes. Et, mais je pense que tu as été obligé d'être un peu intense là-dessus, parce que justement, pareil, la partie était courte. Ouais, pour une partie de 2 ou 3 heures, j'aurais été plus utile sur le personnage. Là, j'ai juste donné des aperçus. Voilà. Effectivement, comme l'a fait remarquer Tapis, je fais une référence hyper rapide au coming out du perso. D'ailleurs, j'avais beaucoup hésité à faire le nouveau, quoi. J'étais assez tenté de faire. Tu vois, si moi je devrais rejouer, peut-être que je ferais le passé de Ange, tu vois, le moment où il arrive en tant que nouveau, tu vois, justement, ou le moment où il va s'ouvrir à ce qu'il est vraiment, quoi. C'est sans doute ce que j'aurais à refaire. Je ferais ça, en fait. Je reprendrais le même perso, mais plutôt dans son histoire, quoi. Alors, moi, si je peux caser un truc, du coup, sur ce qu'il y a à refaire, etc., moi, je pense que ça aurait été bien de mettre plus au clair les relations entre personnages. Pas très clair, en fait, c'était quoi les objectifs de qui. Scénaristiquement, je trouvais. J'ai pas trop compris ce qui se passait à la fin. Alors, en fait, j'ai l'impression que ça partait dans plusieurs sens différents. Et je pouvais pas. Me dire, attends, celui-là, il fait ça parce que c'est ça. Tu vois, c'était en mode, d'un côté ça va à droite, d'un côté ça va à gauche, et je savais pas trop où me placer. Alors, mon personnage, je le voyais du côté positif au début, tu vois. Et avec le truc de Thomas qui, entre guillemets, m'avait proposé en mode, oui, viens du côté obscur, tu vois, trahis ton pote, etc. Je trouvais ça très bien, et je me suis dit, bah, ok, on va essayer d'aller dans ce côté-là. Ouais. Mais sur les autres, tu vois, j'ai pas pu jouer, ça c'est pas grave, ça c'est une question de temps, tu vois. Mais par exemple, à un moment, j'avais casé un truc en mode oui, il faut un appât pour Ange. Et moi, je pensais en fait à la scène qu'on venait de jouer, en fait. Ouais, et, je pense que je sais pas si vous aviez compris ça ou pas. C'est parti dans quelque chose que je trouvais très bien, mieux même, en mode oui, en fait, c'est son frère, machin. Je dis ah, ok, ça va. Et finalement, c'est logique parce que. Si on regarde ça d'un point de vue histoire globale, juste pour dire ça, après j'arrête. Hein. On a montré que Ange, justement, l'un des moyens de l'avoir, c'était justement mettre quelqu'un qui avait besoin de son aide. Et du coup, le fait d'enchaîner sur son frère qui a besoin d'aide, je trouvais ça pas mal. Mais ça, tu vois, ça aurait pas été possible si tout de suite on avait tout défini au niveau de nos relations. Oui, mais on aurait pu au moins, dans tu un vois, flou si longtemps, on avait posé on au moins la deuxième donné, question, prendre tu une vois, nouvelle... je pense que c'était ce niveau de détail-là qui aurait pu être utile, tu vois, ça fermait pas tout, mais ça... Ouais. Bon. Je suis pas sûr, moi. La tâche avec Thomas, par exemple, tu vois, le personnage de Thomas et le mien, on s'est quasiment jamais parlé dans... Je savais pas forcément comment se faisait. Donc ouais, je pense que le truc d'avoir plus de questions, et ça va avec le temps, peut-être évidemment. Que ça aurait réglé... Et d'ailleurs, je pense à un autre truc qui aurait pu aider, c'est que en fait, dans nos actes, on a très peu utilisé les questions, qui notamment, enfin, on a des questions à poser aux personnages des autres, et ça, on l'a pas fait. On n'a pas fait non plus, tu sais, les rapports qui rapportaient des jetons. Enfin, je crois que ça n'a pas été beaucoup fait. C'est clairement des moves qui rapprochent les persos, quoi. Je l'ai posé avec le qu'est-ce que ton personnage pense de moi pile au moment où je voulais te titiller parce que c'était enfin t'avais joué ton personnage en mode j'aime tout le monde et moi je fais ok mais là mon personnage elle réagit d'une manière qui est assez ignoble en vrai même si dans le fond je fais attends c'est pas sans raison quoi je vois les raisons qui mènent à ça mais du coup qu'est-ce que t'en dis mais je sais pas si on est ce genre de choses par exemple dirigé vers Nils. Non, je crois pas. Bah, et en fait, je crois Nils a été pas là pendant les 3 premières scènes. Je me rappelle qu'il y a un moment où on s'est dit. Il y avait un truc que je trouvais dommage, très sincèrement. Après, c'est pas grave, ça s'est fait quand même naturellement. C'est au début, tu vois, j'avais fait une action que je trouvais très adaptée à la situation en mode. Ça se vénère contre le nouveau. Moi, j'étais là, oh, on va se calmer, je fais appel à la raison, etc. Et en fait, j'ai eu l'impression de me faire un peu couper l'herbe sous le pied de Ange qui arrive d'un coup en mode non, Ah on va ouais. être tous copains, etc. Et du coup, je trouvais qu'au début, ça avait Non, mis non, un peu mais mon c'est ma personnage faute, j'ai à l'écart. toujours les Mais pieds c'est dans le pas grave, hein, plat. ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que ton personnage était en retrait sur le début de la partie, même, enfin, Bah du juste, coup, oui, ouais. un bon Mais moment. c'est en partie ma faute, j'ai pas forcément Non, adapté non, mon comportement. non. Non, c'est Moi, aux j'avoue. autres de te mettre en valeur, hein, toujours. Ouais, Hein. bah, c'est ça parce que moi, perso, j'étais parti pour avoir Diane qui soit potentiellement beaucoup plus en retrait, mais fin de la première scène, c'est bon, bah, elle Ah arrive, ouais, il y a des gens Diane qui l'entourent, bam! Spotlight. Et c'est pas moi qui l'ai incluse, hein, c'est. Du coup, j'ai fait, ok, d'accord, bon, bah. Ouais, le jeu insiste sur l'équité du temps de parole et Sans ça mal. mériterait par exemple que on tienne un petit peu le compte de aussi qui a des qui est ciblé par les actes, qu'il y ait une vraie alternance de choses comme ça. Bon, après. Alors, oui et non, parce que là, on parle beaucoup du temps de parole en tant que personnage, mais on ne parle pas beaucoup Ouais. du temps de parole en tant qu'acte. Et je trouve que c'est aussi intéressant, en vrai. Alors je comprends pas. En tant qu'acte, tu veux dire en tant que cadre? Oh, en En tant tant que que joueur, tu cadre, veux dire, en fait. c'est ça, c'est ça. Et je veux dire, tu peux très bien Ouais. avoir un personnage qui est moins présent. C'est pas fatalement gênant si la personne qui Oui, joue, tout à d'un autre fait, bien côté, sûr. peut développer des cadres, en fait. Oui. Moi, à L'important, la c'est base, que je. tout le monde parle autant, à peu Ça, près. en vrai, je suis satisfait de mon temps de parole, etc. Si vous vous posez la question, non, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi le fait, enfin, la scène en tant qu'acte. J'étais content de ce que j'avais fait. Alors moi j'ai été frustré par rapport à ça parce que il y a eu plusieurs fois où j'aurais aimé intervenir en tant que société ou une autre fois en Maelstrom. Alors je l'ai peut-être fait une fois ou deux parce que j'arrivais pas à me retenir. Ouais, je pense qu'il faut se le permettre en filigrane, quoi. En Je fait, pense que tu peux dire des je me petits demande dans trucs qui quelle sortent de mesure. ton cadre, faut juste pas trop Ouais. empiéter, mais c'est ok, quoi. Parce que quel est l'intérêt de bloquer un cadre à une personne, en fait? Moi, ça, j'arrive pas trop à voir. Là, pour le coup, c'est le kit de démo et je pense que c'est pour pas trop surcharger les règles. Parce qu'en fait, sur chaque cadre, tu as deux autres lignes qui est tu le prends. Donc, tu commences à le jouer quand tu vois, par exemple, là, je vois. Attends. La société intacte, c'est tu le prends. Donc, tu le joues quand quelqu'un se balade dans la société intacte ou a une idée ou a un contact avec le monde du commerce. Et tu t'en débarrasses dès que tu vas rentrer en contact. Donc, en fait, il y a un roulement dans les cadres. Ah, d'accord, tu pourrais par exemple remettre le cadre au milieu de la table et quelqu'un d'autre s'en saisit à tout moment, quoi. C'est ça. Ouais. Typiquement, en fait, quand tu vois, alors je ne l'ai pas sous la main, mais l'enclave, la société, quand Diane a commencé à interagir avec, je suis convaincu que c'est marqué, bah non, tu le reposes au centre de la table quand ça se passe comme ça, et c'est à quelqu'un d'autre de le prendre, quoi. Ok. Je m'excuse, mais moi, il va falloir que je Ok. coupe. Bah, salut C'est Bellefeuille, je t'enverrai un petit message pour voir comment on De se coup, je vais. cadre après, d'accord? Ouais, ça marche. Merci beaucoup à Ciao, toutes et tous pour la partie. C'était vraiment cool. À ciao. bientôt. Merci d'être passé. Ouais, moi, je voulais ajouter une dernière chose avant de couper l'enregistrement. C'est un vrai coup de cœur en fait. Dream Rescue, j'ai vraiment été charmé par le jeu. Ça s'est confirmé en y jouant. Et bah, là, j'ai surtout envie d'y rejouer quoi, encore, quoi. Le système est très simple et en fait, ce qu'il a de queer en vrai, c'est que c'est un système qui te demande de décrire des faiblesses de personnages bien plus en fait que des forces et de considérer ces faiblesses comme des forces potentiellement. Enfin, plutôt que d'être dans le mythe du personnage tout puissant ou autre, il t'amène à avoir des personnages en nuance à ce niveau-là. C'est enfin, s'il y a des gens qui ont été lire tous les pavés d'Every Elder sur les queer games.